Et si possible, que les deux soient le plus près possible l'un de l'autre. Française, Français, voir deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. On va s'arranger. Parce que normalement, il y en a tout le temps qui gaulent du pognon, on dit, il est parti avec la caisse. Normalement, on n'a pas le droit de piquer dans l'État. C'est écrit dans la constipation de 1958, on y soit qui manigance. Mais les mecs, tu penses, une fois qu'ils sont là, on dit, au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles. Quand t'es ministre, il y a un truc que t'es sûr, c'est que tu retourneras pas à l'école. Tandis qu'en prison, faut voir. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous sur ce stand de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale pour cette édition 2022 de la Braderie de Lille. Après 2 ans d'absence, quel plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour cette grande fête populaire qu'est notre braderie. Et aujourd'hui, pour fêter sa reprise, nous avons l'honneur d'accueillir une personne qui nous est chère, qui nous fait le plaisir d'être là. Je parle bien sûr de Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Mais avant de lui laisser la parole, je vais laisser la parole à l'un de nos 3 parlementaires nordistes, l'une de nos figures lilloises. Merci de faire un accueil plus que chaleureux à Adrien Quatennens, député de la... Quel bonheur de vous retrouver! Quel bonheur de retrouver, après 2 ans d'absence, cette braderie de Lille qui nous est si chère! Vous avez bien digéré? Merci à toutes les organisatrices, organisateurs de cet événement que nous voyons renaître en cette année 2022 et pour la première année, d'y accueillir un stand de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, signe de notre combativité en cette rentrée et des espoirs qui se sont levés depuis le 10 avril dernier en France. Bien sûr, ces jours de fête aujourd'hui, nous sommes heureux de nous retrouver, mais nous sommes aussi à la tâche pour nous préparer à une rentrée politique qui s'annonce spécialement mouvementée. Cet été, tout le monde a eu à connaître les effets multiples d'un changement climatique désormais irréversible que nous avons à affronter. Ces incendies gigantesques, ces inondations et toutes les conséquences dans la vie quotidienne. Nous savons que nous n'avons plus le temps et nous sommes la génération qui devra affronter ce problème, se préparer à faire face, préparer le pays et faire en sorte qu'enfin soit engagée dans ce pays la bifurcation écologique que nous appelons de nos voeux. C'est bien sûr aussi une rentrée des grands chocs sociaux à l'heure de la hausse des prix. Une hausse des prix dont nous savons qu'elle ne vient pas, comme dans les années 70, d'un excès de la demande, mais qu'elle est largement le fait de l'augmentation extrême des profits. Monsieur Macron nous a dit « c'est la fin de l'abondance ». Mais la fin de l'abondance pour qui ? Pour qui la fin de l'abondance quand 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de nos compatriotes ? Pour qui la fin de l'abondance quand les patrons du CAC 40 ont vu augmenter leur rémunération en une seule année de 90%? Qui peut dire avoir vu sa rémunération augmenter de 90% en un an? Pour qui la fin de l'insouciance quand dans la 6e puissance économique du monde, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et doivent, face à la hausse des prix chaque jour, faire des calculs d'apothicaire, arbitrer entre manger correctement, s'offrir quelques loisirs, payer ses factures. Ce monde est insupportable et il l'est d'autant plus pendant que quelques-uns se gavent et s'accaparent tout ce que ce pays produit de richesse. Alors, en cette rentrée, nous disons que la bataille que nous avons menée à l'Assemblée nationale pour les salaires doit se poursuivre. Oui, l'augmentation des salaires, oui, le partage de la valeur est à mettre au cœur de nos combats de cette rentrée, de la même manière que cette taxation des super-profits que dans tant de pays en Europe ils font et qu'en France ils refusent. Nous avons donc à être à la tâche. Face à nous, Le camp d'en face mène la bataille avec ardeur et il ne s'arrête pas, tel un bulldozer. Après avoir refusé l'augmentation des salaires, après avoir refusé le gel des loyers à l'Assemblée, avec un arc des forces ô combien original qu'il faut dénoncer, le refus de la hausse du SMIC, c'était de Monsieur Macron à Madame Le Pen. Faites-le savoir. Le gel des loyers refusé, c'était de Monsieur Macron à Madame Le Pen. Faites-le savoir. Et désormais, il nous annonce la réforme de l'assurance chômage, celle des retraites. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est la braderie et tant de choses se troquent pour le plaisir de chacun. Mais nous refuserons toujours que l'on brade les acquis sociaux conquis de haute lutte dans ce pays. Nous refusons que soit bradée l'assurance chômage. Nous refusons que soient bradées les retraites des Français. Et pour cela, nous nous battrons pied à pied et nous disposons maintenant d'un point d'appui. Oui, le 10 avril dernier, une nouvelle fois, pour la deuxième fois dans une élection présidentielle, c'est une gauche de rupture qui l'a emportée. Et rappelez-vous que c'est à ce titre, et seulement à ce titre, que nous avons pu faire ensuite la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous restons groupés, nous restons unis sur un programme de rupture, car nous savons que tant de Françaises et de Français ont nourri beaucoup d'espoir. Et n'oubliez jamais qu'au premier tour des élections législatives, nous avons gagné et que M. Macron a perdu. Et que s'ils ont pu l'emporter au second tour, c'est uniquement à la faveur de leur préférence pour avoir 89 députés du Rassemblement National avec qui comploter sur les bancs de l'Assemblée, plutôt que de permettre l'accession au pouvoir de la nouvelle Union populaire et Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Alors, nous avons devant nous des dates importantes. Bien sûr, il y a les dates que les syndicats mettent en circulation. Je vous appelle toutes et tous à vous mobiliser et à mobiliser autour de vous pour la date du 29 septembre, dans la rue, pour l'augmentation des salaires. Et depuis quelques semaines, nous discutons avec les associations, les syndicats, l'ensemble des partis politiques de la nouvelle Union populaire et tous les partis qui portent un programme de rupture pour aller le plus tôt possible en octobre vers une grande marche nationale qui nous permettra de déferler toutes et tous dans les rues face à la vie chère et pour la justice climatique. J'achève en vous disant qu'en attendant, ce qu'il convient de faire partout, c'est d'organiser les assemblées populaires dans toutes les circonscriptions du pays, les assemblées citoyennes qui permettront à toutes et tous de se rassembler, de se réunir et de s'organiser et de faire signer massivement la pétition pour la taxation des super-profits pour que M. Macron recule et que l'on ne continue pas à accepter que des groupes comme Total puissent réaliser 18 milliards de bénéfices en un semestre sans payer d'impôts en France. Bref, vous l'avez compris, nous avons de nombreux combats devant nous. Et à cette heure, en cette braderie de Lille, vous avez fait reculer la pluie et je vous demande malgré tout un tonnerre, cette fois d'applaudissements pour accueillir celui qui a été notre candidat à l'élection présidentielle, qui a recueilli près de 8 millions de voix et a ainsi ouvert la voie à la constitution de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale qui est désormais le point d'appui du peuple dans ce pays. Je vous demande d'accueillir Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors, comme il a tout dit, ça va me simplifier la tâche. Je vois beaucoup de visages jeunes. Tout ce qu'il y a... Allez, ça commence. L'autre là-bas, au fond, il n'est pas content. Plus fort, l'autre là-bas, plus gros. Ouais, oh. Et arrêtez de crier tous les 5 minutes, ça va durer 10 heures. J'ai dit, il y a beaucoup de visages jeunes. Ceux qui ont moins de 26 ans, 50%... Non, je parlerai pas plus fort. C'est même pas la peine d'essayer de me tordre les bras. Ni vous, ni personne. Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez. D'accord ? Je vais pas me péter la voix pour faire plaisir au mec là-bas qui gesticule depuis une heure en me disant plus fort. Je suis plus sourd que toi, mon gars. Justement, j'allais commencer par vous engueuler, alors ça tombe bien. Ceux qui ont moins de 26 ans ont voté à 50% pour ma candidature au premier tour. Écoutez, voilà ce que je vous demande. Si vous avez, et ceux qui ont moins de 35 ans, c'est 40%. Écoutez-moi, je suis maintenant un homme d'âge, comme on dit. Si vous devez retenir une seule chose de mon passage aujourd'hui devant vous, ça sera ce message. Ne renoncez à aucun de vos rêves. Ne faites pas de compromis, pas d'arrangement, pas de réduction. Ce monde est pourri par l'argent. Ce monde est pourri par l'inégalité. Ce monde est pourri par le saccage de l'environnement, la destruction de tout ce qui est vivant. Et alors même que les choses en sont à ce point, nous voyons l'irresponsabilité de ceux qui dominent le monde et qui n'ont qu'une seule idée, comment faire continuer leur fabuleux taux de profit sans s'occuper de savoir ce qui se passe autour d'eux. Et quand nous engageons, comme c'est normal dans une démocratie, notre travail d'opposant, parce que nous avons été élus pour ça et que nous serons fidèles au mandat que nous ont donné ceux qui nous ont élus députés ou ceux qui nous suivent parce que nous sommes les insoumis de la NUPES. Eh bien alors, il nous est répondu sans cesse par des injures, par des mises en cause. Voyez cette dame, alors que tant de thèmes avaient été mis à l'ordre du jour de la campagne présidentielle par nous et qu'il ne voulait parler de rien, parce que le prince avait autre chose à faire. Il téléphonait du matin au soir à Monsieur Poutine avec les résultats fabuleux que vous avez vus. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est bien nous qui avions raison de dire le danger le plus grand de la guerre d'Ukraine, c'est pas seulement que la paix est prise à revers par cet envahissement. C'est par-dessus tout que l'humanité tout entière est menacée par ce qui pourrait se produire si l'un quelconque des 17 réacteurs nucléaires, dont celui de Zaporijjia, venait à faillir du fait de quelque agression que ce soit. Alors, le mouvement du sens de la terre et du vent, d'une part, d'autre part, le fait que toutes ces centrales sont installées sur des fleuves qui débouchent directement dans la mer Méditerranée, d'autre part, aboutirait à une catastrophe qui frapperait en définitive la planète entière. Et nous d'abord, les riverains de la Méditerranée, et nous d'abord, qui sommes au contact de la continuité du vieux continent. Alors, quand on lui dit, est-ce qu'il y a un danger, cette ministre de Macron répond oui. Est-ce qu'il faut surveiller, elle répond oui, ça lui coûte rien, et d'ailleurs ça a été décidé. Et quand on lui dit, faut-il envoyer des casques bleus pour s'interposer, comme l'a proposé M. Mélenchon, au seul nom de M. Mélenchon, elle répond, pas de démagogie. C'est-à-dire que des gens ne savent faire qu'une chose, insulter, tout le temps, sur tous les thèmes. Et Mme Borne qui dit, les insoumis veulent le chaos. Pardon madame, le chaos c'est vous, parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continuez à le faire. C'est vous qui êtes responsabilité de cette rentrée sociale pourrie, de cette rentrée scolaire qui ne fonctionne pas, etc. Le chaos, c'est eux. Et si c'est eux, c'est parce que plutôt que de croire à l'intelligence collective des êtres humains, qui lorsqu'ils se mettent tous après une tâche, y arrivent, parce que l'intelligence collective est toujours fabuleuse dans un peuple instruit comme l'est le nôtre, plein de savoir-faire technique, scientifique, qui fait qu'aujourd'hui même, alors que tout s'en va de tous côtés, on voit les chercheurs français être les premiers à engager ce qui sera quelque chose d'absolument inouï pour la recherche, c'est la possibilité d'avoir une étude du corps humain jusqu'au niveau de la cellule d'une personne. C'est fabuleux, comme ils ont été fabuleux de mettre au point les machines qui ont été tirées depuis le centre spatial de Kourou, comme il est fabuleux tout ce savoir accumulé qui nous permet, par exemple, d'installer à Brest pour la première fois la première machine holographique. Vous savez, ce sont des machines qui marchent avec la houle sur la mer. La houle de la mer, c'est une énergie inépuisable. Inépuisable aussi longtemps qu'il y aura la Lune. Et ça fait longtemps qu'on dit que c'est de la mer qu'on tirera l'énergie dont on a besoin, qui est aujourd'hui un thème central de la vie des êtres humains. N'avons-nous pas alerté en notre temps ? Pendant la campagne, n'avons-nous pas dit que c'est de ce côté-là qu'il fallait chercher ? On a encore perdu du temps, et perdu du temps avec des incapables qui ne savent faire qu'une chose, organiser le marché. Il n'y a que ça qui les intéresse. Alors, il paraît que M. Macron devait aller voir le premier champ d'éoliennes en mer, offshore. Eh bien, nous avons 1000 km de côte. Enfin, on a un champ d'éoliennes. Alors, il y a renoncé parce qu'il y a beaucoup de vent. Eh bien, je vais lui dire, s'il attend qu'il n'y ait plus de vent, il ne verra pas marcher les éoliennes. Et ce n'est pas la peine d'y aller pour les voir. Mais moi, je vais lui dire, puisque vous n'y allez pas, président, eh bien, venez avec moi à Brest. Nous allons aller voir marcher ces premières machines expérimentales qui ont été mises dans la rade de Brest. La France peut, la France, si elle le veut, peut faire tout ce qu'elle veut, parce que nous en avons l'intelligence collective. Ne vous désespérez pas, ne vous laissez pas aller à l'anxiété qu'ils sèment autour d'eux pour vous faire croire qu'on ne peut rien. Oui, nous pouvons faire face à la crise énergétique dans des délais records. Si nous décidons de renoncer aux solutions absurdes qui nous ont été proposées, comme développer le nucléaire, qui est une solution absurde parce que ça n'est pas une énergie stable, parce que c'est dangereux, parce que nous ne sommes pas indépendants, et que le jour où a lieu un accident, alors c'est un accident définitif pour tout le monde. Il faut en sortir, et pour ça, pour en sortir, il faut créer les moyens supplémentaires qui permettent de compenser les pertes d'énergie d'un côté par des apports d'énergie de l'autre, d'une manière qui nous permette de combiner une meilleure production et la sobriété qui évidemment est indispensable. Alors, ils n'arrêtent pas de nous dire c'est la fin de l'abondance. Parfait. Alors allez-y, au lieu de parler, combien y a-t-il de publicités qui dorénavant sont éteintes la nuit ? Combien y a-t-il de candélabres sur lesquels on a installé le système qui permet qu'ils ne s'allument que quand il y a du monde dans la rue ? Qu'est-ce que vous faites à part parler, mesdames, messieurs qui dirigez ? Rien ! Vous désorganisez, vous effondrez l'État. Alors pour une fois, je vais être aimable avec quelqu'un. Ça sera Darmanin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme tous les autres m'insultent, quand il y en a un qui parle de moi sans m'insulter, je n'en reviens pas. Alors évidemment, on a une divergence. Il dit, oh oui, Mélenchon n'est pas content. Il a dit, la police tue, c'est une honte. Bah écoutez, moi, j'admettrai que je veux bien en reparler. Le jour où j'entendrai un de ces messieurs dames exprimer un mot de compassion pour la gamine de 21 ans qui a pris une balle dans la tête. Parce que moi, ma tendresse, mon affection, elle va à cet enfant et à sa mère, dont c'était l'unique enfant. Alors on va laisser ça de côté et je vais rester sur ce qui est plus aimable. Vous savez, j'ai protesté parce que maintenant que je ne suis plus député de Marseille, puisque je ne me suis pas présenté, me voilà redevenu parisien. Alors j'habite en Grand Boulevard, et alors là c'est la fête, continuelle, pimpon, nuit et jour. Tout le temps, sans arrêt, de 8h du matin à minuit. Alors, j'ai dit, et le droit au silence, ça existe. Maintenant, un certain nombre d'entre vous commencent à me connaître. J'amène mes thèmes tout doucement. Quand j'ai parlé de l'eau, ils m'ont regardé en disant, peut-être qu'ils devraient en boire davantage. Et ils n'en ont tenu aucun compte. Et maintenant, ils sont en face de la crise de l'eau. Le cycle de l'eau est perturbé. Ils s'en rendent compte maintenant. Quand je leur ai dit le Doubs est à sec, ils ont haussé les épaules et regardé ailleurs, c'est même pas qu'ils se fichaient de moi, c'est qu'ils n'en avaient rien à faire. Ils ne s'intéressent à rien tant que la catastrophe n'est pas là. Alors cet été, changement de musique, avec la sécheresse, ils ont découvert que la sécheresse, c'était un manque d'eau. Alors, ils ont fait une réunion pour en discuter, et où est passée toute cette eau ? Vous feriez bien de vous la demander. Pourquoi n'y a-t-il pas d'argent dans les communes pour réparer les réseaux d'eau alors que vous en perdez la moitié dans la nature ? Comment se fait-il que vous n'ayez toujours rien changé à la surexposition des villes aux rayons du soleil qui fait que maintenant on est en train d'arborer quand on y pense, pour comprendre que c'est le meilleur moyen de refroidir le sol et donc d'empêcher le réchauffement, etc., etc. Je ne vais pas vous parler de l'eau, je vous parle du bruit. J'ai dit que j'en avais marre d'entendre ce bruit. Alors il m'a répondu avec humour. Donc je vais essayer d'en faire autant. Alors on lui pose la question, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Mélenchon? Évidemment, il ne peut pas en penser du bien. Il dit, d'abord, les sirènes, c'est pas que la police. Ça peut être le SAMU, ça peut être les pompiers. C'est vrai. J'en informe Monsieur Mélenchon. J'imagine qu'il le sait. Oui, je suis parfaitement au courant. Ou alors il est vraiment anti-police au point qu'il regarde par la fenêtre pour voir si c'est vraiment une voiture de police qui passe. Mais alors je l'encourage à dormir la nuit dans ce cas-là. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont j'ai l'intention. Mais pas que moi. Les familles, les enfants qui vont aller à l'école le lendemain matin, les personnes que les réveils soudains exaspèrent. Si je vous parle de ça, ça n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement, du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose. Le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé, le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existence. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances sonores? Savez-vous que 87% des Français comprennent que le silence est devenu un luxe pour très peu de monde? Et que 50% des habitants des cités populaires citent le bruit et l'absence de silence comme la première des pollutions dont ils ont à souffrir. Vous me comprenez, et maintenant, je vais parler au nom du reste du monde sensible. Voyez-vous, les animaux, la biosphère, ne peuvent pas survivre si on continue à occuper toute la bande de l'espace sonore, car les animaux ne peuvent plus communiquer entre eux, ils ne peuvent pas s'envoyer leurs signaux, ils ne peuvent pas se repérer. Le silence est ami de la conservation de la biosphère. Le silence est une cause écologique, comme l'est la nuit, c'est-à-dire l'ombre, celle qui permet que les choses se fassent, se reconstituent, parce que le cycle du jour et de la nuit existe depuis plusieurs milliards d'années sur cette planète, et que c'est lui qui a inscrit un rythme dans chacun de vos corps, dans votre code génétique, que vous le vouliez ou non, vous vivez entre le jour et la nuit. Et le capitalisme, en unifiant dans une seule sphère la finance mondiale, a aboli le jour et la nuit pour ses circulations. Mais il l'abolit dans vos vies. Un quart de l'humanité ne sait pas ce que c'est que de vivre dans la nuit. Des millions de jeunes gens n'ont jamais vu d'étoiles dans le ciel. Eh bien, c'est cet appauvrissement-là de la vie commune et de la beauté qui nous a été donné en quelque sorte en partage par l'univers dans lequel nous sommes apparus en tant qu'espèce et auquel nous nous adaptons d'une manière sensible. Oui, j'ai dit sensible, parce que la sensibilité est une valeur que nous avons à propager, parce que la violence, parce que la brutalité, parce que l'agression, parce que les raccourcis et toutes ces valeurs qui sont celles du capitalisme marchand ne sont pas les nôtres et ne doivent jamais le devenir. Alors là, on a besoin de tout ça maintenant. Il faut réfléchir autrement à la réalité. La civilisation humaine est entrée dans un moment particulièrement périlleux. Comprenez-moi, quand on a signé le texte de la COP21 sur le climat, on avait dit que le maximum, ça serait 1,5 degré de plus. Et tout le monde est sorti en se tapant dans le dos. J'étais d'accord pour qu'on se réjouisse d'un accord mondial. Mais 3 mois après, chaque pays a renvoyé son plan de marche. Et dans son plan de marche, quand on a fait le total, la température augmentait de 3,5 degrés. Et c'est ce que nous avons sous les yeux. Il faut donc bien comprendre qu'il faut penser autrement la vie, autrement notre relation, non pas à la nature, mais à nous-mêmes qui nous lie à ce qui est notre corps inorganique. Chaque feuille de cet arbre, Chaque oiseau qui passe, chaque moment de beauté donné par la nature sont des composantes de notre être. Il n'y a pas de frontière entre nous et ce que nous appelons la nature. Si pour la science, nous avons besoin de mettre à distance les réalités physiques pour les examiner et les connaître, en tant qu'êtres sensibles, nous devons au contraire apprendre à être en empathie avec tout ce qui vit. Abat le martyr des animaux organisé par le capitalisme agricole. Abat la pourriture du sol à coups de glyphosate qui fait que plus aucun insecte n'y vit et que ce que la Terre avait mis 3,5 milliards d'années à préparer, cette couche de terreau, eh bien en 50 ans, ils en ont réduit de plus du tiers la fertilité. C'est-à-dire que nous avons besoin maintenant plus que jamais de savoir, de sensibilité. Vous ne devenez pas sensible au monde si vous vivez dans un environnement de brutes. Vous ne devenez pas sensible si à votre principale préoccupation c'est la faim. Vous ne pouvez pas devenir sensible si votre horizon est borné par le fait que vous ne savez pas et vous n'y pouvez rien parce que vous n'avez pas été instruit ou bien parce que vous ne savez plus lire. Il y a 3,5 millions de gens qui sont illettrés et quand on est illettré, on n'est pas plus bête que les autres, on est juste privé d'un outil. La priorité de la patrie républicaine est de faire que tout le monde puisse savoir lire et écrire et tout le monde puisse aller à l'école. Oui, l'école! L'école, le temple suprême de la République, qu'ils sont en train de détruire. L'école, parce que nous avons besoin de science, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de poésie, nous avons besoin de musique, d'urgence pour que tout le monde apprenne à avoir un autre rapport avec le monde réel. Eh bien, c'est le moment de réfléchir un petit peu sur ce qu'on peut faire. Voyez-vous ? Tiens, ton truc qui s'est arrêté, si tu veux mettre un chronomètre, il faut le remettre. Non, sinon je parle 10 heures. Si je vous parle de cette rentrée, c'est parce que je sais ce qui se passe. Mes camarades à l'Assemblée nationale, voici Bernalicis, voici Guiraud, voici Catenas, ont déposé une proposition de loi pour garantir la gratuité de l'enseignement. Parce que plus de la moitié des parents se préparent à faire des sacrifices, à acheter des choses différentes, à en acheter moins. Je laisse cette question de côté pour me consacrer sur un point pour lequel je vais vous demander ensuite votre aide à chacun. Tous ceux qui ont voté insoumis, vous avez une tâche à accomplir. C'est de courir à la rescousse de ceux qui ne peuvent pas. Vous ne devez pas seulement être un mouvement d'opinion, vous devez être un mouvement utile où chacun mouille la chemise pour faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Alors, formez des escouades pour collecter du matériel pour les jeunes gens. Et rapprochez-vous des associations pour donner ce matériel afin qu'elles les distribuent aux jeunes. Et puis, je veux prendre de plein fouet une question que je juge essentielle. Je ne supporte pas, comme la plupart d'entre vous, que les jeunes gens et les enfants aient faim dans un pays si riche. Écoutez-moi, les gens, c'est terrifiant. Il y a une cantine à peu près dans toutes les écoles. Mais toutes les écoles ne pratiquent pas des tarifs sociaux. Et puis, on a observé que seulement 17% des enfants, des familles qui ont des sous, ne vont pas à la cantine. Mais 40% des enfants des milieux populaires dont nous sommes avec orgueil les porte-parole. Parce que si nous avons été les premiers ici dans le vote à Lille avec 41% des voix au premier tour... Nous avons été premiers chez les pauvres, chez les chômeurs, chez les précaires, c'est-à-dire chez tous ceux qui ont besoin de nous pour porter leur parole et sortir de l'invisibilité. Alors cela vous dit une chose, nos enfants vont avoir faim parce qu'il y a des milliers et des milliers de familles où on a faim, parce que 8 millions de personnes sont à l'aide alimentaire. Alors je demande, je supplie, j'exige que l'on donne à manger gratuitement à nos gosses. Il faut que la cantine soit gratuite. Écoutez-moi, ça coûte. Je sais combien ça coûte, parce qu'il y a eu une proposition de loi déposée dans la mandature précédente par Clémentine Autain et Alexis Corbière. Et ces deux sacrés députés, hein, insoumis. Je ne vais pas faire de la pub pour la marque, mais enfin, bon. Eh bien, ils ont calculé. Ça coûte 3 milliards 200 millions. Alors, comme vous n'avez déjà pas idée de ce que ça peut être qu'un milliard, ni même 10 000 euros, ça peut vous paraître beaucoup. Eh bien, c'est très peu. Savez-vous que dans ce pays, les aides qui ont été distribuées aux entreprises sans exiger la moindre contrepartie et qui sont passées des poches de l'État directement aux poches des actionnaires, puisque entre les deux, on n'a vu ni investissement, ni augmentation de salaire. Ils ont pris et ils se goinfrent. Je parle évidemment des entreprises du CAC 40. Eh bien, l'argent qui leur a été distribué, c'est 140 milliards, sans aucune contrepartie. Alors, même si M. Macron les aime tant qu'il veut leur donner, alors, M. Macron, je vous propose de donner seulement 137 cette année et de prendre 3 milliards pour donner à manger à tous les enfants de France. Proteste de toutes mes forces, de toute mon énergie, compte tenu de l'âge que j'ai et de ce que je sais de la France. C'est une honte de voir détruit l'État et les services publics. Nous autres, les Français, nous avions mis au point un système, c'est vrai, à bien des égards unique, d'entraide, de solidarité, mais pas l'aumône, pas la charité. Il en faut pour ceux qui pensent qu'il faut le faire. Je ne veux surtout pas vous en dissuader, surtout si c'est la loi morale ou la loi religieuse qui vous le dicte. Mais en société, il faut que les choses soient organisées de telle sorte que personne ne soit jamais humilié par l'aide qu'il reçoit. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'en faire un droit. Et la meilleure manière de le faire d'en faire un droit, c'est de créer un service public. Le service public de la cantine scolaire, le service public du train, le service public de l'État, etc., etc. Eh bien, franchement, vous avez vu ces gens cet été comme des poules devant un couteau, se demander comment ça se faisait qu'il fasse aussi chaud. C'est l'été le plus chaud depuis 500 ans, d'ailleurs ça continue là-dessous, j'ai l'impression. Eh bien, vous ne savez pas pourquoi ? Demandez-vous pas. Pourquoi vous, vous ne le savez pas ? Comment voudriez le savoir qu'il allait faire très chaud ? Vous ne pouvez pas. Parce que même si vous êtes un ancien ou une ancienne, et que vous aviez l'habitude, autrefois, de dire « Ah, quand les grenouilles sont pas là, c'est qu'il va faire chaud. » Bon, ou bien « Quand les grenouilles sont là, c'est qu'il va pleuvoir. » Mais les grenouilles, elles viennent plus au bon moment. Elles viennent, il n'y a pas d'eau. Elles viennent pas, il y en a. C'est l'inverse. Catastrophe. Tous les savoirs traditionnels, ancestraux, sont pris à revers par le changement climatique. Les choses ne se déroulent plus comme elles se sont déroulées autrefois. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous reste ? Le savoir scientifique. Mais le savoir scientifique, pour qu'il puisse prévoir, il lui faut des instruments, madame, monsieur, les grands ballots. Il faut des gens. Et s'ils le font, il faut les payer. C'est à vous de vous poser la question de savoir si vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer ou si vous en foutez. Mais si vous voulez avoir des moyens de savoir ce qui se passe, alors il faut mettre des sous dans Météo France. Il faut arrêter de supprimer les stations. Il faut arrêter de supprimer le personnel. Météo France, c'est une organisation qui fonctionne magnifiquement bien quand elle en a les moyens. Mais il faut mettre les instruments, il faut aller relever les résultats, il faut transmettre, il faut analyser, il faut du monde. Le service public et la prévision, sauf si vous préférez la boule de cristal. Si vous voulez avoir des prévisions scientifiques, il faut organiser un service public qui fonctionne. Et c'est vrai dans tous les domaines. Si vous voulez à temps empêcher que les grands circuits du crime organisé ne finissent par prendre pied au point que vous ne puissiez plus ensuite les en chasser, comme je l'ai vu dans tant de pays d'Amérique latine, où le narcotrafic est devenu quasiment une puissance, où il brasse des sommes d'argent plus importantes que n'importe quelle firme capitaliste. Il faut donc faire la guerre au narcotrafic. Pour ça, il faut une police judiciaire, pas des cow-boys qui courent partout, sirènes hurlantes, pour contrôler ceux qui sont à bout noir. Mais une police judiciaire, et justement, ils veulent la supprimer. Comme ils suppriment les diplomates au moment où on a besoin d'avoir des négociations partout pour la paix, car le changement climatique va être le premier facteur de déstabilisation des États, des nations et des sociétés. Des millions de gens se mettent en mouvement ici ou là. Plus que jamais, il faut prévoir, organiser, discuter, bref, avoir le sens de l'État, de ce que ça signifie comme possibilité que les êtres humains ont inventée pour faire face de manière efficace à leur devoir d'entraide. Il veut supprimer la diplomatie, il veut supprimer la police judiciaire. C'est le seul type dont on n'ait jamais entendu dire « traverser la rue, il y a du boulot de l'autre côté ». Il dit ça à un gars qui est horticulteur. Et de l'autre côté de la rue, la place qui est libre n'a rien à voir avec l'horticulteur. Et bien là, c'est pareil. Il dit « oh, un diplomate, on prend un passant dans la rue, pourquoi pas un guerrier ?» Alors, il décide de supprimer la police judiciaire. Voilà un homme qui va vous dire quand vous avez besoin d'un plombier, écoutez, justement, il y a un charcutier là en bas qui en ce moment n'a rien à faire. Les métiers sont des métiers, ça demande des qualifications. On ne change pas les gens comme ça, et en particulier ceux qui se figurent que c'est facile de passer d'un métier à l'autre, eh bien ils n'ont qu'à essayer, et ensuite ils reviendront nous le dire. Et en particulier ceux qui ont décidé stupidement qu'il fallait recruter 1000 profs en région parisienne après une formation de 4 jours, se sont comportés d'une manière honteuse à l'égard de nos enseignants, parce que c'est un métier. Et ils ont préparé une catastrophe, celle d'un enseignement qui ne pourra pas être au même niveau que celui donné par un professionnel. Et ils ont préparé une deuxième catastrophe, c'est que dans un mois ou deux, les 1000 qui ont été recrutés de bonne volonté, persuadés qu'ils pouvaient faire quelque chose, qui se diront, eh ben, c'est un beau métier, je serais fier de l'exercer. Ils vont réaliser que c'est un métier. Et puis ils vont se décourager, parce que c'est dur. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont faire comme les autres, c'est-à-dire s'en aller. La première des choses que vous avez à faire, monsieur Macron, c'est de vous dépêcher de titulariser les 800 000 fonctionnaires des trois fonctions publiques avant qu'ils fichent tous le camp. Ce que vous devez vous dépêcher de faire, c'est de prendre les suivants dans la liste des concours de recrutement de profs. Ah ben je t'ai oublié toi. Viens voir là. Il n'est pas du coin, mais c'est pas grave. C'est un insoumis aussi. Bonjour. Dis d'où tu viens? Moi je viens des Alpes de Haute-Provence. Je suis député des Alpes de Haute-Provence. Et je suis de passage à Lille. Très heureux d'être là. Insoumis aussi, hein. Les Alpes, c'est pas chez toi, non, c'est les Alpes. C'est le Kurdistan, toi, c'est ouais, ça? Oui, voilà. C'est super. Lui, il a viré Castaner. Oui, oui. Alors, c'est pareil pour l'hôpital et ainsi de suite. Je ne vais pas passer en revue tous les services de l'État. Mais il y a au moins une question que je voudrais évoquer rapidement devant vous. Le pouvoir macroniste est un pouvoir qui sera de plus en plus autoritaire. Parce que les libéraux sont comme ça. Ils sont persuadés que la bonne idée, c'est de tout déréguler, de laisser le marché fonctionner. Or, qui est la source? On fait un peu de politique philosophique. Qui est la source de toutes les normes, de toutes les règles, de toutes les lois? Les citoyens. Ben oui, dans une démocratie, c'est les gens, ils vont, ils votent, ils décident, ils choisissent entre des programmes et ça se transforme en loi. C'est pourquoi, intrinsèquement, génétiquement, les libéraux sont conduits à l'autoritarisme. Et cet autoritarisme se traduit, bien sûr, par de la violence. 32 personnes éborgnées pendant le mouvement des Gilets jaunes. 800 personnes qui ont eu de la prison ferme. Voilà comment ils ont été traités. Mais aussi par des manières insidieuses de s'emparer du pouvoir pour empêcher de penser. Ainsi, 90% de la presse appartient à 9 milliardaires. Et nous venons de voir pour la première fois un grand journal qui, dans toute ma jeunesse, était le journal de référence pour tous les intellectuels, décider de retirer une tribune parce que dedans, une tribune, c'est un point de vue libre. C'est quelqu'un qui écrit, puis le gars qui s'occupe de la page des tribunes, il dit, tiens, ça c'est intéressant. Bon, je suis pas d'accord, mais c'est intéressant. Eh bien, ils ont retiré une tribune parce que le chef de l'État, M. Macron, a protesté contre son contenu. Ça signifie que chaque jour qui passe, nous sommes en train de nous enfoncer dans une situation qui n'est plus tout à fait celle d'une démocratie. Quand le président de la République décide qu'il tient toutes ses réunions à Conseil de défense avec des militaires, bien sûr que non, les militaires ils sont là, les malheureux, on leur fait perdre du temps, pour discuter de questions qui n'ont rien à voir avec les questions militaires, les épidémies, l'énergie. Non, pourquoi il fait ça? Parce que c'est le seul moyen qu'il a, quand il décide quelque chose dans le Conseil de défense, que plus jamais aucun citoyen ou groupement de citoyens ne puisse le traduire devant la Haute Cour de justice parce qu'ils auront pris des décisions nuisibles aux gens. Voilà pourquoi il le fait, et seulement pour ça. Et ainsi de suite, tous les jours, un peu plus, davantage, à mesure que l'État se disloque, à mesure que vous êtes renvoyé à vous-même chaque fois que vous avez besoin de quelque chose d'essentiel. Mais l'une des manières aussi, c'est de commencer avec les religions un trafic, un commerce comme celui que nous voyons se mettre en place. Je ne comprends pas, monsieur Darmanin, puisque vous êtes dans le coin, pourquoi vous n'avez rien dit au préfet de l'Hérault qui est allé participer à une procession religieuse. Peu importe de quelle religion on parle, chacun a le droit de croire. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. Ce qui est le fondamental de l'État républicain, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience qui donne le droit à chacun de pratiquer librement le culte de son choix, comme il le veut, du moment que la loi est respectée. Nous n'avons rien à faire en République à négocier quoi que ce soit avec les religions. Et je pense que j'ai le droit de demander que le ministre de l'Intérieur, qui est par ailleurs ministre des cultes, ça s'appelle comme ça, dise au préfet, où qu'il soit, de quelque département que ce soit, qu'ils n'ont rien à faire dans les cérémonies religieuses, car l'État appartient à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, ou s'ils n'en ont pas. Et je me permets de demander aux chefs religieux de dire qu'ils ne veulent pas de la présence de l'État dans la religion, parce qu'elle n'a rien à y faire et ça n'est pas à l'État d'organiser les religions. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je vous parle de ça. Parce que j'ai l'âge d'avoir vu les choses se dégrader de plus en plus. J'ai vu des organisations religieuses appelées à ne pas voter France Insoumise. Eh bien ça, je le dis clair et net, je pense et je demande avec respect aux autorités religieuses de ne pas se mêler de donner des consignes de vote, qu'elles soient positives ou négatives. Qu'ils fassent vivre les principes moraux auxquels ils croient et qui, peut-être, peuvent les conduire, chaque citoyen réfléchissant par lui-même, à faire ce choix ou celui-là. Mais qu'on n'essaye pas de faire croire qu'une religion déterminerait un point de vue politique, parce que ce n'est pas vrai. Tous les chrétiens ne votent pas à gauche, je le saurais. Mais ils ne votent pas non plus tous à droite. Ça veut dire que quand ils votent d'après ce que leur conscience et leur interprétation de la loi morale leur dit. Il en va de même pour les juifs, il en va de même pour les musulmans, il en va de même pour les protestants. Une personne humaine, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais par-dessus tout, c'est une conscience libre qui fait que qui que vous soyez, quel que soit votre genre, quelle que soit votre couleur de peau, vous pensez par vous-même et vous décidez par vous-même. Maintenant, l'augmentation des prix, c'est la cata pure et simple. Je ne vais pas recommencer ce qu'a dit avant moi Adrien Quatennens, mais je vais juste vous donner une indication. Les surcoûts que provoque la hausse des prix, qui jusqu'à la récolte qui aura lieu cet été et à la reprise de la circulation mondiale des marchandises, était spéculative. Autrement dit, ils se sont engraissés comme jamais. Et surtout ceux qui possèdent ce qui est le plus important dans la vie moderne, c'est-à-dire les réseaux collectifs, électricité, eau, gaz, etc. Ce sont les secteurs où a été prélevé sur la population sans cause objective un tribut. Et maintenant, vous vous heurtez à ce que leur fichu marché ne marche pas, que la main invisible qui, paraît-il, ne veut nous garantir la joie et le bonheur conduit à un désastre universel, parce que les prix sont en train d'exploser, parce que le marché n'existe pas, et que tous ceux qui sont en situation de truquer les prix le font. Alors ça vous donne une augmentation à 1000 euros de l'électricité, du kilowatt ou du mégawatt. Incroyable. Pourquoi ? Parce que le marché européen qui a été libéralisé par les très intelligents qui organisent le libéralisme, parce que seule la concurrence libre et non faussée va nous permettre de vivre mieux, résultat, c'est la cata. Eh bien, je vais donner qu'un seul exemple pour vous montrer comment, en se répercutant de l'un à l'autre, ce désastre s'amplifie. Le surcoût pour les hôpitaux de l'augmentation des prix, ça correspond à une somme qui permettrait d'engager, séance tenante, 52 000 soignants de plus. Voilà ce que c'est le prix de la hausse des prix sur les services publics. Et vous, vous avez une question à vous poser. Est-ce que vous acceptez qu'on vous pique 10% de vos revenus ? C'est ça la question qui vous y est posée. Alors si vous acceptez pas, eh bien faites quelque chose. Ça suffit pas seulement de regarder, de montrer du doigt, de dénoncer ou de pleurnicher. Agissez, entrez dans l'action, aidez tous ceux qui agissent. La taxe sur les super profits, c'est la première des batailles qu'il faut gagner. C'est la bataille entre le capital et le travail pour savoir qui s'approprie la richesse produite. La richesse produite doit d'abord profiter à ceux qui la produisent. Et c'est eux qui savent le mieux comment changer la production et l'échange pour que la société vive mieux et respecte davantage les impératifs écologiques qu'il faut à tout prix faire respecter partout, en changeant les méthodes de production, en changeant les matériaux qu'on utilise, en changeant les formes de l'échange. Il faut tout changer, de la cave au grenier, tout, pour que cette société reste une société vivable par les êtres humains. Vous savez, sur le moment, quand on est dans l'action, on est dans l'action. Mais j'ai fait une pause cet été, pas de 2 mois, comme raconte le Canard enchaîné. Vous n'avez pas vu le dessin ? Super marrant. Il est marqué « Après 2 mois de vacances, Mélenchon revient survolté. » Et alors, il y a lui, et il a mis des fils, et il m'a branché sur une machine, il dit « On l'utilise pour mettre de l'électricité dans la photocopieuse. » C'est malin. Ben, tu vois, ça s'est dit. Maintenant, tout le monde est au courant de comment on fait marcher nos machines. Ça me cuit, maintenant, de les voir à l'œuvre. Je me dis, mais enfin, on avait prévu ci, on avait dit ça. Vous savez, on avait fait un programme, il est toujours là. On avait fait des plans thématiques et puis des plans d'application. On était prêts à gouverner le lendemain matin. Je les vois, misère, je me tape la tête. Il s'en va en Algérie, il parle mal à tout le monde. Il revient, il a rien, il a l'air d'un ballot. Alors le gouvernement algérien, ils sont sympas. Ils disent, oui, oui, on a dit que ça irait bien. Et lui, oui, alors conseil de défense, pourquoi ? Si vous m'aviez écouté, monsieur, au lieu de regarder ailleurs, quand je vous ai dit au moment où a démarré l'inflation, il faut bloquer les prix en France, vous n'en seriez pas là où vous en êtes. Je vous ai dit ça en septembre de l'année 2021. Si vous m'aviez écouté, quand je vous ai dit, les Algériens, ils vont tirer la langue jusqu'à par terre parce qu'il leur manque des céréales. Et 20% de ces céréales viennent de France. Par conséquent, on va les voir dans une bonne relation unitaire, égalitaire, respectueuse, on leur dit, écoutez, vous avez du pétrole et du gaz, et nous, on a des céréales. Alors, on échange, et on se le paye à prix hors inflation. Monsieur se figure qu'on peut continuer à aller à Alger, donner des ordres, et que les gens vont les exécuter. Résultat, il est parti une main devant, une main derrière. Il a rien, les Italiens sont venus avant, Et les Algériens, comme ils font des affaires, bah, ils disent, bah, vous payez bien, ok, on vous le vend. Eh bien, c'est une grosse, énorme erreur qui a été faite là. Parce que tous ces super intelligents ont déclenché une bataille économique pour étrangler Poutine avec des boycotts ici, là. Sur le moment, j'ai dit, vous êtes sûr que ça marche? Oui, oui, comment? Alors, on va surtout rien dire. Oui, oui, allez-y, faites-le. Quel est le résultat? Qui souffre en ce moment? Pas les États-Unis d'Amérique. Parce que le dollar est au plus haut. Donc tout ce qu'ils achètent à l'extérieur leur coûte moins cher. Pas les Russes qui ont envahi l'Ukraine et qui doivent en sortir. Parce qu'ils ont réalisé le plus gros excédent du budget de l'État russe depuis la Saint-Glinglin. 260 milliards de plus. Et évidemment que tout ce qui ne se fait plus avec l'Europe se fait avec les Chinois, gros ballot. Parce que la Chine est la première puissance productive du monde. Alors je sais bien que si je prononce le mot Chine, il faut dire derrière toutes sortes de choses pour montrer qu'on n'est ni communiste ni chinois. Ça se voit que je ne suis pas chinois, il vous reste à savoir que je suis quand même collectiviste, ce qui ne veut pas dire communiste comme un chinois. Vous comprenez les gens? On ne peut plus parler. On a l'impression que dès qu'on prononce certains mots, aussitôt se déclenche l'énorme machine à discréditer. Et si vous ne pouvez pas dire les choses, comment voulez-vous penser? C'est une erreur absolue d'avoir accepté d'entrer dans un jeu où l'on a rapproché des pays qui nous sont désormais hostiles. Nous avons besoin rapidement et impérativement de la paix. Ceux d'entre vous qui sont curieux de littérature, lisez un roman de science-fiction qui s'appelle 1984, qui a été écrit par George Orwell. Un trotskiste espagnol très dépressif, on comprend pourquoi. Et il raconte bien comment la dictature commence par le fait que le pouvoir s'empare des mots, les change, les transforme pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils sont. Mais parmi toutes les choses qui sont prophétiques dans ce livre abominable, il y a une guerre qui a lieu entre trois blocs. On ne sait pas qui, on ne sait pas où on en est vraiment, on ne sait pas qui gagne et qui perd, on sait juste qu'elle a lieu. Et que cela génère dans les trois blocs des disciplines inconditionnelles au-delà de toute raison. Nous en sommes là. Nous sommes appelés à des disciplines aveuglées, inconditionnelles, absurdes. Être partisan, comme nous le sommes nous autres tous, de la fin de la guerre en Ukraine, de la sortie des Russes de l'Ukraine. Nous autres insoumis, nous nous flattons d'être aujourd'hui la seule organisation politique qui accueille et aide les réfugiés anti-guerre russes. Vous m'entendez? Nous nous occupons d'eux, nous les aidons, et nous en sommes fiers. Nous avons besoin, par-dessus tout, de ne pas être alignés, c'est-à-dire, suivant les situations, de prendre librement nos décisions. Tant que nous sommes encore une grande nation, être non-alignés nous permet de parler à tous les peuples du monde. Je viens de rencontrer trois présidents de la République, dans l'Amérique du Sud. Les trois auraient aimé que la France porte une parole de non-alignement, parce qu'à leur tour, ils auraient pu eux aussi porter plus fort, plus haut, la parole du non-alignement. Le non-alignement, c'est le discours de toute cette part de l'humanité qui ne veut pas de maître, qui ne veut pas qu'il y ait une puissance dominante, qui n'aime pas les impérialismes, qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Il n'y a pas de peuple libre s'il n'est pas indépendant. Alors, nous nous préparons. Je vous dis, ça me cuit de le voir. Mais, je vous ai déjà dit que je lisais Le Canard Enchaîné. C'est pas que j'y trouve que des choses marrantes dedans tout le temps. Mais enfin. Et là, à part le dessin où je suis avec Caténas, il y a aussi un petit article où je découvre que M. Macron, 4 jours après nous, nous, on a réuni tous les députés insoumis, il y en a 75 maintenant. Et puis, c'est des bons, hein, sans cravate. On s'améliore, avant on était sans culotte, maintenant sans cravate. Combatifs, ils ont bien fait. Les autres disent qu'on est mal habillé. C'est pas bien, parce qu'on avait mis nos habits du dimanche. Mais, comme l'a dit Louis Boyard, ce qui est indécent dans cette assemblée, c'est le fric que vous mettez sur le dos avec vos costards. Mais on a réuni nos députés et tous ceux qui avaient été candidats, parce que des fois, ils ont perdu de peu. Et le coordinateur du mouvement, Adrien, et les autres camarades ont dit « Préparez-vous, remettez-vous en action, convoquez des assemblées populaires partout où vous êtes. » Parce qu'il faut se préparer. Et je lis dans le Canard enchaîné que lui a fait pareil, il a réuni ses perdants, et il leur a dit « Il faut vous préparer parce qu'il peut y avoir une dissolution. » Eh bien, pour le coup, je suis moins sourd que d'habitude. J'ai parfaitement entendu. Alors je vous dis pareil, ne vous résignez pas, entrez dans le combat, préparez-vous en permanence à les fiches dehors par les voies démocratiques si elles vous sont proposées. Et si elles ne vous sont pas proposées, passez à l'action. Nous appelons, je l'espère, à la mi-octobre. Je vais peser mes mots parce qu'il paraît qu'il y a des épidermes sensibles dès que je parle. Parce que ça ne peut pas être à la mi-novembre ni à la fin décembre. Nous avons besoin d'une action. Tout à l'heure, Adrien a rappelé que les syndicats appelaient à une journée d'action. Eh bien, à la vérité, ils ne sont pas unis. La gauche est unie, pas les syndicats. Sauf pour les professions sociales et de santé, le 22. Aidez-les de toutes vos forces, ce 22, parce qu'ils sont tous ensemble. Mais, pour le reste, je veux dire qu'il est normal que les syndicats organisent l'action dans l'entreprise. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle la motion du dernier Conseil confédéral national de la CGT. Mais nous ne sommes pas organisés dans les entreprises. Nous ne nous en occupons pas. Donc nous reconnaissons la pleine légitimité des syndicats dans les entreprises, si possible unis, on préférerait, et si possible d'une manière déterminée, à décider ce qu'ils veulent. Mais nous ne sommes pas seulement une organisation qui vient tous les 5 ans vous proposer un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle et des candidats à l'élection législative. Nous sommes un mouvement populaire. Nous avons des responsabilités devant les 7 700 000 voix qui ont voté pour moi au premier tour. Nous avons des responsabilités devant tout le bloc populaire de 11 100 000 voix qui s'est porté sur les partis qui sont aujourd'hui réunis dans la NUPES. Et c'est la raison pour laquelle, si nous n'organisons pas de journée d'action en semaine et dans les entreprises, nous organisons de plein droit des mobilisations. Et puisque j'en suis à vous le dire, des mobilisations populaires, ben les jours où c'est pas le travail, c'est-à-dire, pas pour tout le monde, le samedi et le dimanche. Et où en même temps, je vous demande pas, ou ils ne vous demandent pas, où ils ne vous demandent pas de faire des sacrifices sur vos payes, vu que nous, on n'en fera pas dans cette circonstance. Par conséquent, il faut que vous vous prépariez, dès que vous entendrez la date, à vous précipiter pour faire une immense marche sur Paris. Une immense, où vous serez des milliers, des milliers, des milliers. Bien sûr, à Paris, c'est pas en province. Mais il faut faire comme ça. C'est pas en région, c'est en région parisienne. Mais c'est le moyen de faire la démonstration de force. Et puis allez-y si l'essence coûte trop cher, en bicyclette, ou bien à pied, ou à cheval, ou en passant par la mer, je ne sais pas par où. Mais préparez-vous à vous mobiliser. Ne laissez pas le pouvoir penser qu'il s'est débarrassé de vous en vous faisant l'élection que vous savez. Pour le futur, je le dis sur ce sujet. La séparation entre ce qui est considéré comme du domaine purement syndical et du domaine politique n'a plus de sens. Ce n'est pas nous, les forces politiques regroupées dans la NUPES, qui divisons, nous rassemblons. Et je crois qu'il est temps, comme l'ont demandé ATTAC, la Fondation Copernic et une dizaine d'associations, qu'on soit moins obsédés de montrer qu'on n'a rien à voir les uns avec les autres. Qui que ce soit, quelle que soit son organisation syndicale, quelle que soit son association, bien sûr, chacun reste lui-même et personne n'a idée d'aller donner des ordres aux autres, ni sur son calendrier, ni sur son cahier de revendications. Mais bon sang, il faut être unis, il faut être ensemble, il faut passer moins de temps à se regarder en biais. La classe ouvrière de ce pays doit trouver la force d'être aussi forte que la classe ouvrière anglaise avec le même slogan, trop, c'est trop. Enough is enough. Révoltez-vous, c'est votre devoir. Organisez-vous, c'est votre devoir. J'achève maintenant. La NUPES, c'est pas facile à faire. Nous avons tout réglé en 12 jours et 12 nuits. Tout le monde a fait d'immenses efforts. Je pense qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Mais je préfère vous dire quelque chose bien franchement et les yeux dans les yeux. Il y a eu union parce que le programme sur lequel nous nous sommes accordés est un programme de rupture avec la domination du système productiviste et avec la logique du système capitaliste. Pas de rupture, pas d'union. S'il y a union, c'est pour la rupture. Maintenant, nous avons un programme qui contient 600 points. Bien sûr, ça ne sera pas facile tous les jours. On a perdu l'habitude. Des fois, on n'est pas assez rapide. Eh bien, à chaque fois, il faudra dominer la difficulté. Autour de nous, ils sont là à attendre qu'on se dispute, à peser chaque mot de l'un de l'autre. J'arrive ici et on me tend un micro. Vous savez quelle question on m'a posée ? Vous allez voir l'aigle que c'est. Alors, vous êtes là pour montrer que la NUPES, c'est vous ? C'est-à-dire sans cesse attiser, provoquer, diviser, créer du bazar, de la dispute, en espérant qu'on finisse par se disloquer. Eh bien, c'est contre tout ça que vous devez faire bloc. Nous devons tous apprendre à le faire, chaque fois, à chaque occasion. Je félicite les députés qui ont eu à surmonter ici, là, quelques anicroches qui n'étaient pas toujours de détail. Et ils sont restés unis. Ils ont voté ensemble. Et vous avez vu la tête que font les autres ? Je vais vous dire, il vous l'a rappelé, Catenins. Il faudrait peut-être bien qu'il n'oublie pas. Nous avons gagné le premier tour de l'élection législative. Nous, pas eux. Un mois et demi après qu'il était élu président de la République, il se prenait une tôle aux élections législatives. Et il n'a pu s'en sortir qu'au deuxième tour, parce que des électeurs de droite ou des électeurs de LREM ont préféré laisser passer un fasciste plutôt que de voter pour un insoumis ou pour un quelconque candidat de la NUPES. Honte à eux ! Honte à eux ! Sans morale, sans principe, ambigu avec la République, non ! Vous avez frappé la République dans le dos le jour où vous avez préféré à un de ceux ou à une de celles qui pouvaient être vos libérateurs, ceux qui demain plongeraient ce pays dans un insupportable affrontement interne. Honte à vous ! Vous ne valez rien par rapport aux valeurs dont se réclament vos partis, car les partis ne vous ont pas appelé à le faire. Honte à vous de votre égoïsme social, de votre égoïsme moral, de votre insupportabilité à ce que nous portons, nous, la fraternité, quel que soit l'être humain, quel que soit son genre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, le peuple humain, nous tous, avec deux bras, deux jambes, similaires par nos besoins. Alors, à la première occasion, nous tâcherons de les battre. Et je vous ai dit, si on a gagné et perdu au deuxième tour, nous savons tous une chose, réfléchissez-y profondément. Il ne peut pas s'en sortir s'il n'a pas un accord en bonne et due forme avec la droite LR. Et il ne peut pas avoir d'accord avec la droite LR s'il repousse les propositions que les Républicains ramènent directement du panier de l'extrême droite. Autrement dit, dans la longue chaîne des combinations qui se nouent à l'Assemblée nationale, c'est l'extrême droite qui décide et Macron qui obéit. C'est ça la vérité. S'il n'a pas cet accord, nous sommes une grande nation. Je ne suis pas d'accord pour que tous les budgets de l'État soient votés à coup de 49-3, c'est-à-dire de force. Et je ne suis d'ailleurs pas du tout d'accord pour qu'on vote quoi que ce soit par 49-3. Ça suffit ! Nous sommes attachés à la démocratie et à la République. Et tout ça n'a qu'un et fort appui. Le peuple, c'est-à-dire nous tous, le peuple qui vit ici, le peuple français, mais le peuple en général, qui travaille, qui veut survivre, qui veut vivre, qui veut apporter son intelligence et son savoir-faire au service de tous. Branchez-vous en direct, non pas sur moi qui suis survolté, mais sur l'amour de la vie, sur ce qui compte pour vous, vos enfants, le jour qui va se lever demain, le fleuve qui va toujours à la mer. Non, nous ne sommes même pas fatigués, monsieur Macron. nous voilà. Et vous finirez par partir. Madame Bétou avait promis, Madame Bétou, de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne peut pas manquer grâce à nos canonniers. Dans un lac à Magnole, vive les sons, vive le son. Dans un lac à Magnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Plus t'es pauvre chez nous, plus de riche t'es fou. Dansons la Camagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Camagnole, vive le son du canon. Qu'est-ce qu'il faut dire aux républicains, qu'est-ce qu'il faut dire aux républicains. Du fer, du plomb aussi, du pain, du fer, du plomb aussi. Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Après un été chaud, faut-il s'attendre à un automne chaud? À cause des prix qui augmentent, de la réforme des retraites, de celle des indemnités chômage, tous ces dossiers sont à l'ordre du jour du gouvernement pour les mois qui viennent et les oppositions l'attendent au tournant. En particulier du côté de la France insoumise. Et notre invitée aujourd'hui est Mathilde Panot. Bonjour, vous êtes présidente des députés insoumis à l'Assemblée Bonjour. Nationale. Vous avez succédé à ce poste à Jean-Luc Mélenchon, LFI qui est l'un des principaux groupes d'opposition à l'Assemblée Nationale aujourd'hui. Et vous avez à peine plus de 30 ans. Si bien que quand on vous parle de Mikhaïl Gorbatchev, bah vous n'avez pas connu vous au pouvoir, vous étiez toute petite. Les obsèques du dernier dirigeant de l'URSS ont eu lieu hier à Moscou. Pour vous, il représente quoi ? Alors, Gorbatchev, effectivement, moi, je l'ai très peu connu puisque je suis née en 1989. Et 1989, c'est aussi 3 ans après 1986, qui est l'accident de Tchernobyl, donc la catastrophe nucléaire. Et Gorbatchev était un des 2 dirigeants du monde qui a eu à connaître une catastrophe nucléaire au pouvoir avec Naoto Kan, le premier ministre japonais que j'ai rencontré. Et donc, je retiens peut-être de Gorbatchev ce combat et cette alerte qu'il n'a eu de cesse de lancer sur le danger du nucléaire pour l'humanité. En 1991, l'Ukraine devenait indépendante et quittait l'URSS qui s'effondrait. Aujourd'hui, la Russie occupe une partie du pays. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, veut se rapprocher de l'Europe et de l'OTAN parce qu'il y a toute l'histoire derrière. Le comprenez-vous ? Comprenez-vous ce point de vue ? Alors, bon, déjà, il faut placer les choses. La première des choses, c'est que quand vous êtes dans un moment où l'accentuation du conflit se fait, avec une guerre que nous avons dénoncée dès le départ et une invasion de la Russie de Poutine, il faut alors avoir à la fois une raison et le courage de la paix. Et je crois que nous ne pouvons pas sortir de la guerre, je vais vous dire quelque chose qui vous paraît élémentaire, sans sortie négociée. La France a un rôle à jouer. La France a un rôle à jouer en étant non alignée. C'est ce que nous proposons. Emmanuel Macron dit je parle avec tout le monde. Oui, eh bien c'est important de parler avec tout le monde pour une fois. Je suis d'accord. Eh bien, je suis d'accord avec le président Emmanuel Macron que oui, il faut isoler le pouvoir russe. Et nous, nous faisons une chose à la France insoumise, et peut-être sommes-nous la seule force dans le pays à le faire, c'est d'avoir aussi des liens extrêmement forts avec les opposants de Poutine, parce qu'il ne faut pas confondre le peuple russe avec le pouvoir russe. Mais comprenez-vous la position de Zelensky qui veut que son pays entre dans l'OTAN et dans l'Union européenne, justement pour se prémunir de la Russie de Poutine? Je crois que ça ne réglera pas le conflit. C'est pourquoi nous avons demandé dès le départ qu'il y ait une conférence à l'OSCE qui a été créée pour cela, qui permettrait justement de négocier et de faire en sorte que nous ayons enfin une construction de la paix qui est urgente. Et donc, je crois que c'est par le dialogue, par la diplomatie que nous pourrons l'avoir, sauf à avoir une guerre totale, notamment parce qu'en Ukraine, je le rappelle, il y a 16 réacteurs nucléaires et que Jean-Luc Mélenchon était le premier à avoir demandé l'intervention de casque bleu pour protéger le fait qu'il n'y ait pas une catastrophe dans la catastrophe. Il faudra le faire autour de la centrale de Zaporijjia en ce moment, donc. Ah bah bien sûr, bien sûr. Il y a des sanctions économiques aussi contre la Russie aujourd'hui. Alors, certains disent, oui, mais finalement, ça n'a pas tellement de retombées sur l'économie russe, à voir. D'autres disent, ça retombe plutôt sur notre économie à nous. Faut-il les maintenir, ces sanctions ? Je crois qu'il faut surtout les rendre plus efficaces. Nous avons par exemple 62 maisons qui ont été gelées en France, qui appartiennent à des oligarques russes, gelées, pas saisies. Je pense qu'on pourrait aller plus loin et faire en sorte que justement ces sanctions ne soient pas contre le peuple russe, contre le peuple français, mais fassent bien mal là où elles doivent faire mal. Et sur les sanctions économiques, le pouvoir russe. Il faut les maintenir ou pas, les sanctions économiques? Bah oui, je pense qu'il faut les maintenir, puisqu'il faut isoler ce pouvoir, ça c'est évident. Mais il faut qu'elles soient ciblées pour faire en sorte qu'elles touchent les oligarques et non pas les différents peuples du monde. Parce que tout ça nous amène à parler du risque de panne de gaz ou d'électricité, qui d'ailleurs est brandi par le gouvernement. Est-ce que c'est une réelle menace ou un principe de précaution? En attendant, pour beaucoup de Français, c'est l'heure de faire le plein. Le chaud et le froid soufflent sur cette rentrée. La bonne nouvelle, c'est pour les automobilistes. Moins 30 centimes par litre offert par l'État. C'est chouette, hein ? 1,44, vous voyez pas ça, vous ? On va faire le plein. C'est l'occasion de faire le plein des deux voitures. Les avantages se limitent à ces deux mois-là, apparemment. Espérons que ça continue. Belges, Allemands, Suisses choisissent la France. Et certains pétroliers en profitent pour redorer leur blason. Car au MEDEF, la question est, faut-il taxer les super-profits ? Une porte avait été entrouverte par Elisabeth Borne, aussitôt refermée par Bruno Le Maire. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. La course à la sobriété, c'est-à-dire économie d'énergie, voilà le message de la Première ministre patron. Chaque entreprise doit se mobiliser et agir. Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées. Menace de rationnement contre menace de chômage ou de fermeture. Inquiétude chez les verriers très consommateurs de gaz. 2021 et 2022, la facture de gaz pour Arc en France passe de 19 millions à 75 millions. À cause de l'énergie, on est obligé de stopper l'activité et ça, c'est dur. Dans l'agroalimentaire, c'est la facture d'électricité qui explose. Je consommais en 2021 80 000 euros d'électricité et on me propose pour 2023... 800 000 euros, 806 000 euros exactement. Signer un tel contrat, c'est signer mon dépôt de bilan. C'est dans le huis clos d'un conseil de défense à l'Élysée qu'Emmanuel Macron fait délivrer son double message, mobilisé et rassuré. Pour préparer l'hiver, c'est la mobilisation générale. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver. Y aura-t-il de la tension dans l'air et la sobriété sera-t-elle choisie ou subie ? Mathilde Panot, la ristourne de 30 centimes sur le prix de litre de carburant va durer deux mois. Elle fait partie des mesures de pouvoir d'achat qui ont été votées à l'Assemblée nationale, mais vous, au nom de la France insoumise, vous avez voté contre. Vous demandiez le blocage du prix de l'essence. Vous. Allez-vous revenir à la charge ? Bien sûr, et notamment dans le contre-budget, nous remettrons ces propositions-là, puisque avec c'est-à-dire la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il y aura le budget que va proposer ce gouvernement, et nous ferons notre propre budget pour que, en quelque sorte, à chaque étape, nous disions ce que nous ferions si nous gouvernions ce pays, ce que nous avions d'ailleurs fait sur la loi pouvoir d'achat et que la Macronie a refusé. Alors dans ce contre-budget, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Parce que par exemple, bon, il y avait le blocage des prix de l'essence, des prix du carburant, mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau au vu de la situation actuelle ? En tout cas, tout ce que nous avons dit et toutes les alertes que nous avons posées, finalement, les conséquences s'étalent sur nos yeux parce que ces alertes ont été ignorées. Donc nous continuerons avec l'augmentation des salaires, nous continuerons avec la taxe des super-profits parce qu'il est indécent alors que tant sont en train de souffrir que d'autres sont en train de se gaver. On va revenir en détail là-dessus. Et vous avez notamment montré Total dans ce reportage qui a fait 18 milliards de bénéfices en 6 mois avec un patron qui s'est augmenté de 52%. Alors restons sur Total. Restons sur Total, parce que, souvent montré du doigt, vous encore aujourd'hui, Olivier Faure, qui est le numéro un du Parti Socialiste, propose au parti de la NUP, donc tout l'ensemble de la gauche, de lancer un référendum d'initiative partagée. Soutenez-vous l'idée, j'imagine, oui. Oui. Alors pour ça, il faut 4 800 000 signatures de citoyens. Jean-Luc Mélenchon a réuni 7 millions d'électeurs à la présidentielle. Vous avez la clé de ce référendum entre vos mains, donc. Oui, et nous mènerons campagne. Et je vais vous dire, nous avons même commencé ce qui va nous donner de l'avance pour ce référendum d'initiative partagée. Nous avons commencé parce que nous avons lancé une pétition à cette rentrée que vous pouvez toutes vous, et tous... la France Insoumise. Oui, que vous pouvez toutes pas et tous signer. Oui, mais sur taxesuperprofit.fr et qui nous permettra de commencer, nous la faisons un peu partout, nous la discutons un peu partout dans le pays, et je crois que c'est largement majoritaire puisque les enquêtes d'opinion montrent que 60% des Français souhaite qu'il y ait enfin une taxe sur ses super-profits, comme le font de nombreux pays européens, comme le recommandent le FMI, l'ONU, la Commission européenne. Donc d'ores et déjà, vous estimez que vous avez gagné la bataille de l'opinion ? Ah bah oui, je pense que c'est une idée ultra-majoritaire. Et d'ailleurs... Maintenant, il faut vérifier s'il y aura 4 800 000 électeurs. Eh bien, comment est-ce qu'on vérifie ça ? En menant campagne un peu partout et en disant que oui, il est possible de gagner cette taxe sur les super-profits et qu'enfin, il faut arrêter d'avoir... dans un temps de malheur national où on se demande si les enfants vont pouvoir manger à leur faim, parce que c'est ce dont on est en train de parler avec la rentrée scolaire, où vous avez des étudiants qui font des files devant la banque alimentaire, où vous avez des gens qui ne savent pas s'ils peuvent payer leur loyer ou vivre correctement pour leur famille d'ici à la fin du mois, eh bien je crois que c'est absolument indigne que ces multinationales ne contribuent pas à cet effort de solidarité nationale. Cette taxe sur les super-profits, vous avez entendu, Bruno Le Maire dit, moi je ne sais pas ce que c'est des super profits, mais bon, il faut 4 800 000 signatures. Oui. Ça veut dire que tout le monde va devoir se retrousser les manches, y compris au Parti Socialiste, chez Europe Écologie Les Verts. Là-dessus, tout le monde sera au rendez-vous. Ah ben oui, et ça sera une belle bataille que nous allons mener ensemble, comme d'autres batailles que nous avons menées, puisque ça ne vous a pas échappé, la Nouvelle Union Populaire a déjà proposé 2 propositions de loi en commun, que sont le fait d'inscrire l'IVG dans la Constitution... la contre-loi pouvoir d'achat, ce que nous aurions fait, avec notamment cette taxe des super-profits que nous avions déjà présentée en commun, donc sur lequel toute la Nouvelle Union Populaire est alignée, et surtout la motion de censure, alors que la Première Ministre, pour la première fois depuis 30 ans, refusait de demander le vote de confiance au Parlement. On va revenir sur tout ce qui va venir, notamment sur le budget. Mais Elisabeth Borne demande aux entreprises de faire des économies d'énergie, de 10%. Mais le gouvernement appelle finalement tout le monde à la mobilisation, disant « il faut faire des économies d'énergie ». Qui doit faire les économies en premier ? Eh bien d'abord les riches. Et ça ne vous étonne pas, c'est notamment la proposition qui a été faite, cette fois-ci par des écologistes, sur la question des jets privés. Parce que, monsieur Le Tellier, une heure de jet privé, c'est l'équivalent d'un an de voiture pour un Français moyen. Et donc, ceux qui vivent au-dessus des moyens de l'espèce, ce sont aujourd'hui les riches. Donc, ce sont alors d'abord qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple, les jets privés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les interdire ? Bah oui. Oui. Supprimer, il n'y a oui. plus de jets privés. Bah oui, pourquoi pas. Et je vais vous dire, ensuite, nous sommes les partisans, nous, de l'écologie populaire. Et l'écologie populaire, c'est de dire que nous devons d'abord et avant tout changer le système de production et de consommation. Nous avions proposé beaucoup de choses. Par exemple, pour des choses immédiates, vous pourriez interdire les panneaux publicitaires lumineux qui consomment autant qu'une famille de 4 personnes à l'année. Vous pourriez faire comme l'Espagne l'a décidé, rendre le train gratuit, ce qui permet aux gens de ne pas utiliser leur voiture à tout va. Vous pourriez, vous le souhaitez, et ça, apparemment le gouvernement ne le souhaite pas, faire une réelle politique d'efficacité énergétique avec notamment la rénovation thermique des logements. Alors, petite parenthèse. Juste sur ce point-là, savez-vous combien de logements ont été sortis du nombre de passoires thermiques l'année dernière ? Vous allez nous le dire ? 2500. Nous devons en faire 700 000 par an. Bon, je pense qu'il y a de la marge, à vos yeux. Il y a beaucoup de marge contre le gaspillage énergétique et qui fait que les gens vivent mieux après derrière. Quand Elisabeth Borne demande aux entreprises de faire des économies d'énergie, est-ce que vous souscrivez à ça ? Parce que ça peut avoir des risques pour l'emploi, vous avez vu. Hein. Ben en fait, il y a plusieurs problèmes dans ce que Mme Borne demande. Le premier problème, c'est le choix démocratique. Nous avons toujours dit que l'énergie était un choix démocratique, était un choix politique, et donc il n'est pas possible que Mme Borne décide tout en conseil de défense avec M. Emmanuel Macron et je ne sais qui pour échapper probablement à la possibilité d'être traduite devant une autre cour de justice à un moment ou à un autre, et donc que ces choix de sobriété et d'efficacité doivent être choisis démocratiquement. Je m'arrête sur ce que vous venez de dire, parce que vous dites que le conseil de défense, c'est pour échapper éventuellement à la justice. Oui, pourquoi donc faire un conseil de défense? Enfin, c'est quand même incroyable. Maintenant, on discute en conseil de défense du sanitaire, on discute en conseil de défense de l'énergie. Que restera-t-il au Parlement à la fin? Donc, moi, je le dis ici, non, Madame Borne, on ne gouverne pas ce pays ni à coup de 49-3, ni à coup de conseil de défense. Et le deuxième problème, j'en viens sur la question de ce que dit Madame Borne aux entreprises devant le MEDEF. C'est que ce gouvernement n'a eu de cesse de faire des incitations aux entreprises. Les incitations aux entreprises, ça fait que, par exemple, Total fait l'aumône aux Français d'une ristourne de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros qui est 30 fois moins que son bénéfice, puisque je disais 18 milliards en 6 mois. Donc, l'incitation aux entreprises a toujours produit un désastre. Et donc, il continue à refuser de mettre en place des règles, et c'est ce que nous sommes en train de faire normalement, ce que nous devons faire comme Parlement, c'est-à-dire imposer des règles que nous choisissons démocratiquement et qui permettent d'organiser les choses, de planifier et non pas de subir à chaque fois. Je reviens, excusez-moi, sur le Conseil de défense. Allez-y. Expliquez-nous pourquoi c'est pour échapper aux risques judiciaires. Eh bien parce que c'est la même chose qu'ils nous ont fait sur la question de la crise sanitaire. Lorsque vous êtes en Conseil de défense, pour que tout le monde comprenne bien, quand vous êtes en Conseil de défense, vous pourriez utiliser tout autre chose, un Conseil des ministres, vous pourriez utiliser le Parlement pour faire des débats devant le Parlement. Lorsque vous êtes en Conseil de défense, tout est couvert par le secret défense. D'accord ? Donc vous ne savez pas exactement qui est dans ce Conseil de défense et vous ne savez pas exactement ce qui s'y est dit, à part une conférence de presse de ce qu'on veut bien vous raconter. Mais vous n'avez pas de compte-rendu, comme il se passe au Conseil des ministres ou comme vous l'avez vous dites à l'Assemblée nationale. Donc vous dites que personne n'est responsable en cas de problème ? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi donc ? C'est une accusation grave que vous portez là quand même. Comment ? C'est une accusation grave que vous portez. Mais non, c'est pas une accusation grave, c'est la conséquence de ce qui se passe lorsqu'on décide de gouverner un pays par secret défense. Et je vais vous dire pourquoi font-ils cela. Ils font cela parce que depuis des années, ils ont ignoré nos alertes. Ils ont ignoré nos alertes où nous avons dit notamment que la seule énergie qui permet une souveraineté énergétique, ce n'est pas l'uranium nigérien. Ce n'est pas nucléaire, quoi. Non, ni le gaz, on le voit bien avec la guerre actuellement en Ukraine, ce sont les énergies renouvelables. Alors sur le nucléaire, parce que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y avait la fin du nucléaire d'ici 2045. C'est vite, hein, c'est dans une vingtaine d'années. Aujourd'hui, est-ce que ce serait tenable encore, ce programme ? Oui. Faut-il fermer ou relancer les réacteurs ? Écoutez, si on s'y met vite, c'est tenable. Je vous explique. Oui, mais là, aujourd'hui, dans le contexte-là, est-ce que c'est le moment de fermer les réacteurs nucléaires ? Mais ils sont déjà fermés, monsieur Letellier. Ils sont en panne. Ils vont rouvrir, a dit la ministre. Oui, non, mais attendez. 32 réacteurs fermés sur 56. 32. Mais ils vont être remis en marche. Donc, ceux qui moquaient les énergies renouvelables en disant qu'elles sont intermittentes, le nucléaire lui-même est intermittent. Et je me demande bien comment EDF va rouvrir des réacteurs nucléaires alors qu'ils sont pleins de corrosion. Je me demande bien comment on va faire avec le nucléaire, alors qu'il produit des déchets, donc on ne sait que faire, alors que l'argent que vous mettez dans le nucléaire est de l'argent que vous ne mettez pas dans les énergies renouvelables, et que la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs de développement d'énergies renouvelables. Et donc, vous vous retrouvez aujourd'hui avec une énergie qui, en plus de ça, n'est pas résiliente au dérèglement climatique. Donc il ne faut pas relancer les réacteurs. C'est pas ça la question. C'est qu'il faut planifier. Il faut planifier le fait. Il faut investir dans les énergies renouvelables. Oui, mais là, c'est ce que dans l'immédiat pour cet hiver. Alors, dans l'immédiat, vous faites de la sobriété, ce que je vous disais sur les panneaux publicitaires qui peut être fait immédiatement. On pourrait, par exemple, décider immédiatement d'interdire certains vols intérieurs. Bref, vous faites de la sobriété choisie démocratiquement. Première des choses. Et ça serait suffisant. Deuxième chose, vous mettez de l'argent dans le développement des énergies renouvelables, mais surtout, vous ne recréez pas de nouveaux réacteurs nucléaires, parce que c'est de ça dont on est en train de parler. Bien, donc moi, je suis d'accord pour qu'on termine, pour qu'on puisse faire justement, parce qu'on ne va pas arrêter le nucléaire du jour au lendemain. Donc je suis d'accord pour qu'on organise le fait d'en sortir. Mais je vous le dis, le nucléaire est une énergie qui est coûteuse et dangereuse. Mathilde Panot, vous êtes à la tête du groupe de 75 députés insoumis à l'Assemblée nationale qui se sont fait entendre ces dernières semaines. Le gouvernement et la majorité d'ailleurs vous reprochent de vouloir le chaos. Mais c'est à la fois votre ligne politique, Mathilde Panot, et puis votre tempérament aussi. Alors, une manifestation en vue et la députée de la circonscription enfile sa tenue de combat. Mettez l'écharpe. Bah, bien sûr. Et là, vous avez de la chance parce que c'est une nouvelle. Parce que nous, on les utilise souvent. Comme il y a beaucoup de manifestations. Partout en mission, ici pour défendre l'école, sans oublier son autre combat, l'union de la gauche. C'est vraiment une partie de la NUPES, là. On espère qu'elle puisse être utile. Pas que à gagner des députés, ça c'était très bien, mais maintenant il va falloir qu'on aille gagner aussi des réalisations pour les gens. Et chacun garde son identité. Chacun garde son identité, nous sommes tous de gauche. Évidemment, nous participerons aux différentes mobilisations. Même sans micro, on l'entend de loin. Elle a une voix qui porte, elle a féminisé la fonction tribunicienne. Sur des moments comme ça où il faut parler aux gens avec le cœur, elle nous représente à merveille. Qu'est-ce que c'est le style Panot ? Je pense que c'est important de représenter la colère populaire aussi. Parce que cette colère populaire, sinon, si elle ne s'exprime pas par les mots, elle s'exprimera par autre chose. Vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique. Cette motion de défiance sert à démasquer les impostures. Mathilde Panot, la présidente du groupe France Insoumise, qui, sur cette antenne, exprimait le fait que son objectif, c'est le désordre à l'Assemblée nationale et dans la rue. Mais vous ne voulez pas amener le chaos? Mais en fait, ça dépend. Le droit de manifester, vous appelez ça le chaos? Le fait de défendre le SMIC à 1 500 €, vous appelez ça le chaos? Le fait de demander le blocage des prix à la baisse, vous appelez ça le chaos? Dans sa permanence, les affiches témoignent d'une déjà longue histoire avec Jean-Luc Mélenchon. 3 campagnes présidentielles qui ont fait de la petite militante la chef des 75 insoumis à l'Assemblée nationale. Un tempérament devant lequel même le patron rend les armes. Madame Panot, vous lui avez cédé votre bureau, je crois, hein? J'ai rien cédé du tout, je suis plus député, elle l'a pris. Il faut voir la fille que c'est. Hein. Ah là là. Si vous croyez qu'on lui donne quelque chose, c'est pas le genre de femme. Mathilde Panot, le budget va être l'heure de vérité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, propose aux oppositions de venir discuter chez lui dans son bureau au ministère à Bercy le budget 2023 avant sa présentation officielle pour voir un peu s'il peut y avoir des points d'accord. Acceptez-vous cette invitation ? Alors, on va regarder ça, mais nous, on a une arme qui est intéressante, un levier intéressant, qui est le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, que nous avons réussi à faire élire à la tête de la Commission des Finances, et nous en sommes très fiers. Il y a plusieurs choses. La première ministre a dit qu'elle pouvait utiliser le 49.3, donc un passage en force sur le budget. Bruno Le Maire a dit de même. Madame Borne nous dit que nous pourrions faire des réunions sur le budget. Puis Monsieur Attal dit que nous pourrions faire aussi des réunions sur le budget, pour éviter peut-être un 49.3. Donc déjà, il faudrait peut-être qu'ils se mettent un peu d'accord entre eux. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que c'est à eux de céder sur des choses. Sur quoi, par exemple ? La taxe sur les super-profits, l'augmentation des salaires, le blocage des prix, qui sont des choses que nous demandons depuis longtemps. Donc, ça veut arrêter dire quoi ? L'austérité c'est... dans l'éducation, dans l'hôpital, donc, qui mène au chaos que nous voyons aujourd'hui. C'est la condition pour que vous y alliez ? Ah bah, en tout cas, nous, nos propositions sont connues, nous les porterons donc dans l'enceinte irez, démocratique. Vous irez à Bercy. Ah bah, on va voir sous quelles conditions on nous propose ça. Parce vous que ne dites si pas nous... non, vous ne dites pas non. Non, je dis pas non immédiatement, parce qu'on peut regarder sur des choses. Mais je vais vous dire, le budget, c'est un exercice particulier dans une démocratie. Parce que, généralement, ceux qui votent pour le budget sont les soutiens du gouvernement, et ceux qui votent contre sont les oppositions. Et n'en déplaise à ce gouvernement qui ne supporte pas qu'il y ait une opposition dans ce pays, eh bien, nous avons été élus, non seulement pour nous opposer à Emmanuel Macron, mais surtout pour proposer une alternative. Donc vous irez dire tout ça, vous ou Éric Coquerel, dans le bureau de Gabriel Attal? Eh bien oui, et puis nous verrons ce que ça donne. Mais généralement, qu'est-ce que ça donne? On nous dit oui, et puis après on dit tout le monde est d'accord. Et quoi? Vous votez contre? Je pense que nous voterons contre ce budget. Je vous l'annonce, c'est un scoop. Nous allons voter contre tous les mais choix budgétaires qui ont été faits. Mais vous irez discuter quand même à Bercy avant. Bah écoutez, on va essayer de faire passer des choses. C'est ça notre travail parlementaire aussi. Mais on va surtout essayer de les faire passer dans l'hémicycle. On va accueillir maintenant Astrid de Villene, chef du service politique au HuffPost, qui est avec nous aujourd'hui pour sa carte blanche. Bonjour Astrid, ravie de vous Francis. Retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour. Merci, bonjour Mathilde Panot. Jean-Luc Mélenchon vient de perdre la présidentielle pour la 3e fois. Et dans votre camp, certains s'interrogent et demandent du changement. On peut penser à Clémentine Autain, députée insoumise de votre groupe. Elle souhaite plus de débats et de pluralisme en interne. Elle a raison. Alors déjà, Clémentine Autain elle-même disait à vos confrères de Libération qu'il y a un mot qui avait été sorti de sa longue note de blog et à côté de plein de choses positives qui étaient dites par Clémentine Autain par le mouvement. Je veux le dire parce que Clémentine Autain, par cette note de blog, contribuait à une réflexion que nous avons qui est normale, qui est logique, puisque nous sommes passés de 17 à 75 députés, que nous sommes maintenant plus de 400 000 insoumis et insoumises, organisés dans 4 000 groupes d'action un peu partout dans le pays. Et donc, oui, il y a des réflexions à avoir que nous aurons dans les mois qui viennent sur la manière dont nous organisons cette crise de croissance, en quelque sorte. Et cela s'est vu aux amphis avec plus de 5 000 personnes présentes. Il faut que les institutions de la France insoumise évoluent. Bah, en tout cas, il faut qu'on s'organise. Quand vous avez 75 députés, c'est plus la même chose que 17. C'est une évidence. Donc, tout ça va devoir se coordonner avec quand même l'idée de continuer à être à la fois un mouvement qui fédère autour de l'action, de notre programme et surtout qui est utile au pays. Et je dis utile au pays parce qu'en ce moment, on fait des collectes de fournitures scolaires, on fait des collectes alimentaires et on continue d'avoir toutes ces actions utiles au pays. Est-ce qu'il vous manque aussi une implantation territoriale ? On a vu, par exemple, vous n'avez pas de région, vous n'avez pas de département, vous ne gouvernez que dans quelques mairies. Est-ce que ce n'est pas votre point faible, à vous, la France insoumise ? Alors, on est un mouvement jeune, ça c'est sans conteste. Après, non, nous avons une implantation territoriale, notamment avec les groupes d'action. Et je vous dirais parmi juste... Parmi les élus, disait Astrid, est-ce que ce n'est pas une faiblesse de ne pas avoir beaucoup d'élus locaux ? Bah écoutez, on va... Enfin, c'est la continuité de ce qui va être fait. Donc, bien sûr que le mouvement va continuer à s'implanter localement. Mais vous allez aller cette fois-ci aux élections territoriales, aux régionales, aux départementales, aux municipales. Oui, même si, je vais vous dire, là, vous parlez de dates qui sont un peu lointaines. Pas tant que ça, hein. Ça va venir vite. Quand même, parce qu'on sent bien que la dissolution est à l'ordre du jour, notamment lorsque l'on voit que le président Emmanuel Macron réunit ses anciens candidats aux législatives pour finalement être prêt en cas de dissolution. Vous la souhaitez, vous, la dissolution ? Non, c'est pas qu'on la souhaite, mais on voit bien qu'il y a une impasse politique. Et donc, quand il y a une impasse politique, généralement, on retourne devant les urnes. Eh bien, nous nous disons que nous sommes prêts à gouverner et que les Français, surtout, en ont besoin. Et prêts à la dissolution, j'ai compris. Ah ben, on est prêts, oui. Mais toujours prêts à gouverner ce pays. Astrid. Autre critique hein, dans la note de bloc de Clémentine Autain, c'est le fait que les institutions de la France insoumise ne permettent pas vraiment non plus de désigner un candidat. Est-ce qu'il faut penser à l'après Mélenchon ? Bah, en tout cas, pour l'instant, non. Je pense que c'est pas le sujet. Non, ça va venir vite, 5 ans. Bah, écoutez, moi, je vous dis que peut-être que dans 2 ans, on n'aura pas le même gouvernement et que peut-être que ça sera nous qui y serons. Donc, on voit pas tout à fait les mêmes choses sur en termes d'urgence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a réuni quasiment 8 millions de voix à l'élection présidentielle. Donc, il y a une légitimité particulière dans notre mouvement. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon, la grande force de ce qu'il a réussi et de ce qu'il a fait, c'est justement de créer un collectif qui est fort, avec un grand nombre de personnes. Et je vous assure qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être candidats à un moment, si ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'est. Comment les départager ? Est-ce que, par exemple, l'idée d'une primaire, ça pourrait être une bonne chose au sein Non, je ne crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez lire l'excellent livre d'Alexis Corbière sur le piège des primaires. Pourquoi ? Parce que la force de la France insoumise, contrairement à beaucoup d'autres mouvements et partis de ce pays, la force de la France insoumise, c'est de s'être fédérée autour d'un programme. Et donc, de n'avoir pas des conflits de personnes où vous pourriez, sur le même programme, dire « Oui, mais moi, je le dis avec une tonalité A, alors que l'autre le dit avec une tonalité B. » Et je crois qu'à la fin, on n'arrive pas à quelque chose pas qui de primaire. Est... Mais ça peut être un vote interne. Comment faire pour départager des personnalités qui vont légitimement s'exprimer ? Ou alors, est-ce que ça doit se faire dans le cadre de la NUPES ? En fait, je pense que vous allez trop vite. Que pour l'instant, ce n'est pas l'ambiance du moment. Pour l'instant, nous sommes en train d'organiser avec, justement, la NUPES et les forces syndicales et associatives une grande marche contre la vie chère en octobre. Nous sommes... Mais elle n'est pas fixée encore. Non, elle n'est pas fixée. Il y a une réunion qui va avoir lieu bientôt et qui permettra de fixer la date et on appellera toutes et tous à y participer. Non, mais je pense que vous allez trop vite, vraiment. Parce que, pour l'instant... Nous sommes, vous voyez, on vient de gagner le premier tour des élections législatives, c'est quand même bien de s'en rappeler. Enfin, vous vouliez aller à Matignon, vous n'y êtes pas allé. Donc, est-ce qu'il faut faire un inventaire peut-être des années Mélenchon ? Ah ben, je pense que l'inventaire, on peut le faire et qu'il est excellent. Excellent ? Oui, c'est grâce, je vais vous dire, moi je pense que c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon que nous ne sommes pas dans la situation italienne, qui est terrible pour notre candidat, puisque la gauche italienne a été réduite en miettes. Eh bien, grâce à Jean-Luc Mélenchon, ceux qu'on disait perdus, qu'ils ne faisaient rien pour cette élection présidentielle, sont passés à 450 000 voix de pouvoir gagner l'élection présidentielle et à 0,22% d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité relative. Est-ce que finalement, c'est pas plus facile de s'opposer plutôt que de gouverner ? Eh bien, c'est pour ça qu'à chaque étape, comme nous l'avons fait sur la loi pouvoir d'achat, comme nous allons le faire sur le budget, comme nous le faisons sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous proposons nos propres plans, C'est pas ce que j'appelle gouverner, Mathilde Panot. Eh bien, c'est de l'opposition. C'est dire ce que nous ferions. Et je crois que, justement, dans une démocratie, il y a une opposition et il y a, eh bien, des soutiens au gouvernement et que nous sommes des opposants et donc la seule alternative à Emmanuel Macron. Et votre objectif, c'est pas de remporter 2027 ? Ah bah, j'espère bien qu'on arrivera à changer des choses avant, c'est ce que je vous dis. Merci Et il beaucoup. Il peut se passer plein de choses avant, vous avez dit. Merci Astrid. Merci à vous. L'imam Hassan Iqiyoussen reste introuvable. Il pourrait être en Belgique à l'heure qu'il est. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulait l'expulser de France pour avoir tenu des propos antisémites et sexistes. Et à la France Insoumise, vous étiez intervenu pour dire qu'il y avait une atteinte à l'état de droit parce qu'il aurait été expulsé avant d'être jugé. Pour l'instant, tout doit-il être mis en œuvre pour l'arrêter ? L'arrêter pourquoi, monsieur Le Tellier ? Non, je vous demande, est-ce que Gérald Darmanin, il dit oui, l'arrêter pour le faire revenir en France et l'expulser. Pourquoi ? C'est ce que je viens de vous dire, que dit Gérald Darmanin. Oui, mais je vous le demande pourquoi, parce que finalement, qu'est-ce que propose Gérald Darmanin ? Gérald Darmanin propose d'arrêter quelqu'un, de le ramener en France pour pouvoir l'expulser. Ça s'appelle, et je suis d'accord avec son avocate, ça s'appelle de la politique spectacle. Et je suis inquiète, comme la LDH, comme la Ligue des droits de l'homme, comme le syndicat des avocats de France, que Gérald Darmanin s'amuse à courir derrière l'extrême droite constamment, comme il l'avait dit à Madame Le Pen, qu'elle était trop molle et qu'il aurait pu signer son livre. Je suis inquiète de voir un ministre qui refuse de respecter l'état de droit. Il a voulu... Mais c'est à la Belgique de s'occuper maintenant de Hassan Iqiyoussen, sous-entendu. Vaut mieux que ce soit la Belgique que la justice française. Mais non, mais écoutez, il y a un arrêté d'expulsion, il est parti. Maintenant, que voulez-vous faire? Parce qu'en fait, ça pose la question inverse. Pas, vous souhaiteriez pas si. Quand même que ce soit la justice française qui s'en occupe? Mais bien sûr, mais ça aurait été possible si Gérald Darmanin n'avait pas saisi l'affaire comme ça. Puisque si on reproche des propos ou des faits, moi je n'ai aucun problème à ce que lorsqu'il y a des propos ou des faits délictueux, à ce moment-là, c'est à la justice française de régler ça. Mais comme Gérald Darmanin a choisi de le faire sur un mode d'extrême droitisation qui est absolument consternante, eh bien on se retrouve dans la passe dans laquelle on est. Donc oui, lorsqu'il y a des faits ou des propos délictueux, ils doivent être traduits en justice et non pas utilisés de la manière dont Gérald Darmanin l'a fait. Vous estimez aujourd'hui que Gérald Darmanin est affaibli ? Bah, en tout cas, j'estime que Gérald Darmanin tient une ligne qui d'ailleurs n'est pas majoritaire chez la Macronie, qui tient une ligne qui, je trouve, court extrêmement après Marine Le Pen et ses idées, et qui est une ligne extrêmement dangereuse. Et ça va aussi avec la composition de l'Assemblée que nous avons aujourd'hui, puisque si nous avons 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée, c'est la responsabilité historique de la Macronie et du camp macroniste qui a préféré laisser passer des députés RN plutôt que des députés NUPES. Quand vous dites qu'il n'est pas majoritaire au gouvernement, qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Écoutez, on voit à l'Assemblée nationale, notamment, je pense à Sacha Houlier qui défendait le droit de vote des étrangers, je pense que ce n'est pas du tout la même teneur que ce que porte aujourd'hui Gérald Darmanin. Et je salue le fait qu'il y a encore des gens en Macronie qui s'opposent à cette ligne d'extrême droite. Merci Mathilde Panot d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, émission réalisée par Tristan Dolin, rédaction chef Claire Sébastien. Tout de suite. Thank you. toutes les opportunités. Mais je suis également conscient des difficultés. Pourquoi ce projet n'a-t-il pas été réalisé par quelqu'un d'autre ? Parce que c'est un projet pour les connaisseurs. Il faut faire face à l'énorme système ferroviaire, à la douane, au gouvernement et enfin au marché. Le train sort maintenant de Chine pour entrer au Kazakhstan. Première frontière et contrôle attentif de la liasse de documents qui accompagne le convoi. Normalement, à l'arrivée des trains Chine-Europe, même si on est en train de travailler sur d'autres récépissés, on les met de côté, car les trains Chine-Europe sont prioritaires. Je vérifie si les documents sont complets, que les formulaires soient bien remplis et le plan de transit conforme à la règle. Si tout va bien, je transmets ces documents au traducteur et au chargé de bon du fret. Le traducteur relie et vérifie les expéditeurs et destinataires, les gares de destination et d'expédition, les désignations des marchandises et les formulaires. Je vous explique. Les récépissés, les documents à l'intérieur de la Chine, sont écrits en chinois. Mais ici, on traduit les documents chinois en russe. La Chine communique avec le Kazakhstan en russe. Au début, je ne comprenais pas leur langue. C'est pour ça que j'ai appris le russe. La langue facilite beaucoup mon travail. Shen Tianwei est le 32e conducteur à prendre en main le train parti de Yiwu et le dernier conducteur chinois. Son trajet se limite à la zone franche. Je dois parcourir 12 km d'Alachanko à Dostik. La distance est courte, mais sur le trajet, il y a beaucoup de formalités à remplir. Le passage de la frontière, l'inspection du train à la douane, puis le contrôle des listes de marchandises dans la zone franche située à 6 km d'Alachanko. Lui, c'est l'agent du contrôle frontalier chinois. Il vient voir dans la locomotive. Il vaut mieux être coopératif. Il effectue un contrôle pour éviter que le conducteur ne passe des choses en contrebande, des choses interdites. Le train parcourt maintenant les 12 petits kilomètres qui mènent à la gare de Dostik en territoire kazakh, afin d'effectuer les formalités d'entrée au Kazakhstan, ancienne république de l'Union soviétique. À la fin de l'Union soviétique, quand le Kazakhstan est devenu indépendant, ils ont ouvert les frontières. Et la jonction du réseau s'est faite avec la Chine. Nous avons étendu nos rails jusqu'à la frontière et les Chinois en ont fait autant. C'est à ce moment que notre station ferroviaire a été créée. Nous nous trouvons entre deux chaînes de montagnes. À l'endroit où les montagnes se rencontrent, il y a un petit espace et notre ville est juste là. C'est pour cette raison que la région est très sèche et très ventée. Nous avons environ 300 jours de vent par année. Ici, on a l'habitude de dire que le vent souffle deux fois par année. La première fois pendant 6 mois dans une direction et la seconde fois pendant 6 mois aussi dans la direction contraire. Il est arrivé que le vent fasse tomber les conteneurs des wagons. Ça a fait la une dans la presse internationale. Dostik au Kazakhstan, comme sa ville sœur Alachanko, bâtie de l'autre côté de la frontière, n'existe que pour et par le passage des trains. La ville est construite dans une nature hostile, balayée en permanence par les vents, où la différence de température entre l'hiver et l'été peut atteindre 84 degrés centigrades. Par le passé, personne n'a jamais vécu ici, mais les intérêts économiques, en attirant ici des hommes en quête de travail, en ont décidé autrement. Ça fait maintenant longtemps que je travaille ici. Je suis actuellement responsable des conteneurs. Je suis en charge de leur transfert. On a beaucoup de travail en ce moment. C'est ici que les marchandises doivent changer de train afin de poursuivre leur route sur le réseau ferroviaire de l'ancienne Union soviétique dont l'écartement des rails est plus large que celui du réseau chinois. Chaque conteneur doit donc être transféré sur un autre châssis dont la distance entre les roues correspond à l'écartement des rails russes. Au cours des 13 000 km de la ligne Iwo-Madrid, les rails changent trois fois d'écartement entre la Chine et le Kazakhstan, entre la Biélorussie et la Pologne et entre la France et l'Espagne. Comme la plupart des habitants de Dostik, Kairat, le responsable des conteneurs, est venu ici, attiré par la promesse d'une vie meilleure. Mon village natal se trouve au bord du lac Alakol. J'ai passé toute mon enfance près du lac. Dans mon village, il n'y avait pas d'électricité. Les gens vivaient dans l'obscurité. Et tout à coup, à 50 ou 60 km du village, une station ferroviaire s'est construite où les gens recevaient des salaires mensuels, où il y avait de l'électricité jour et nuit. Tout le monde a couru là-bas. Les gens de ma génération ont quitté le village. La station est responsable de l'exode de tous les villages avoisinants. J'avoue, quand l'été est de retour, j'ai le mal du pays. Mais je suis là pour travailler. Si j'étais encore un enfant, je resterais là-bas. C'est mon village et je l'aimerai toujours. Mais bon, c'est la vie. Après les 8 heures nécessaires pour effectuer les formalités douanières et charger les conteneurs sur le nouveau train, le convoi quitte Dostik pour un périple de 5000 km à travers le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie. Durant les 5 jours que dure ce trajet, le train fait une quinzaine de courtes haltes afin de changer de conducteur. Ça fait plus de 2 ans que l'on a ouvert la ligne Iwo-Madrid et bientôt ce sera le 3e anniversaire. Il y a quelques jours, le nombre de trains mis en service sur toutes les lignes sino-européennes a dépassé les 5000. À mon avis, après 2 ou 3 ans de fonctionnement, la ligne Iwo-Madrid est encore en période d'incubation. Elle a encore du chemin à faire. J'espère qu'elle va devenir un véritable lien commercial. Notre objectif, c'est que cette ligne soit un modèle du transport ferroviaire entre la Chine et l'Europe. Le train laisse l'Asie derrière lui et s'apprête à faire la jonction avec le monde occidental. Raison d'être de cette ligne de trafic de marchandises. Porte d'entrée de l'Union européenne, le train arrive au poste frontière de Terespol, en Pologne. C'est ici que les marchandises subissent un contrôle rigoureux qui, s'il est passé avec succès, permettra aux conteneurs de se déplacer librement dans toute l'Union européenne. En tant que douanier, on porte une lourde responsabilité. On en est conscient. Parce que nous n'intervenons pas seulement au nom de la Pologne, mais aussi pour toute l'Union européenne. C'est primordial. Nos contrôles sont donc très importants. Les fonctionnaires spécialisés accomplissent les tâches préliminaires au dédouanement de toutes les marchandises du train. Ensuite, ils évaluent les risques de fraude et ordonnent l'ouverture de certains conteneurs dont le contenu sera inspecté pour s'assurer que les marchandises coïncident avec les déclarations du transporteur. Si les marchandises ne correspondent pas aux listes de déclaration ou ne sont pas conformes aux normes européennes, elles n'entreront pas. Si nous soupçonnons une quelconque irrégularité, nous saisissons le conteneur suspect. Je répète, le conteneur TGBU, nous allons le faire acheminer au secteur de contrôle de Malazewicz. Comme vous pouvez le voir sur ces conteneurs, ils viennent de Chine. Ils passent maintenant la frontière, après avoir été contrôlés par nos inspecteurs, et ils vont passer au rayon X. À la douane de Terespol, il n'y a qu'une voie, et tous les trains sont obligés de passer par les rayons X. Dans cette grande tour de 18 mètres et demi, il y a les détecteurs qui reçoivent les rayons X. C'est ici qu'est captée l'image qui apparaît sur nos ordinateurs. Nous avons des spécialistes qui interprètent ces images et qui parviennent à détecter les irrégularités dans la cargaison. D'après les indications des inspecteurs, nous décidons d'envoyer tel ou tel wagon au contrôle. Le contrôle sert à mettre la main sur les marchandises de contrebande, celles qui n'ont pas été déclarées. On trouve de tout dans ces cargaisons. Le plus souvent ici, ce sont des cigarettes de contrebande. stoïques au milieu de leurs villes en ruine, les Anglais peuvent toiser les confédérés égoïstes et prospères. Après 2 mois de pilonnage intensif, les Allemands doivent admettre leur échec. L'Angleterre est exsangue, mais elle n'a pas plié. Il n'empêche, la supériorité militaire des nazis reste écrasante. Alors, Washington se décide à sortir de sa neutralité. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'Amérique place son potentiel industriel au service exclusif de la Grande-Bretagne. En revanche, l'administration Roosevelt critique la Suisse qui persiste à ne pas vouloir choisir son camp. Henry Morgenthau, le secrétaire d'État au Trésor, tonne contre les banques de la Confédération trop complaisantes à son goût envers le Reich. En acceptant d'échanger des devises contre de l'or volé, elle facilite son effort de guerre. Si le trafic continue, Morgenthau menace de saisir les milliards qu'elles ont placés aux États-Unis. Mais la Suisse n'a de leçons à recevoir de personne. Elle brille sur le terrain humanitaire grâce au Comité international de la Croix-Rouge qui intervient sur tous les terrains de conflit depuis près d'un siècle. Les Suisses ont bonne conscience. Honorés du prix Nobel de la paix, bénéficiant de la neutralité de la Confédération, le CICR s'est forgé une réputation exemplaire. C'est cette neutralité qui permet à la Croix-Rouge d'intervenir dans n'importe quel pays en guerre. Y renoncer signifierait la fin de sa mission. Grâce à ses généreux donateurs suisses et à ses nombreux bénévoles, le CICR est un vibrant symbole. La Confédération, loin d'être égoïste, se montre attentive au sort des autres. Depuis Genève, la Croix-Rouge œuvre pour améliorer le sort des prisonniers de guerre sans regarder à la couleur de l'uniforme. Elle affrète des bateaux, des trains qui transportent derrière les barbelés les courriers, les nouvelles, les colis. Le CICR marque le stade suprême de l'engagement des Suisses dans le conflit. Il ne faut pas leur en demander plus. Pour le reste, ils sont préservés des atrocités de la guerre. Les actualités supervisées par une censure d'État rigoureuse proposent des sujets rassembleurs. Le conflit est rarement évoqué, sauf lorsqu'il vient troubler le quotidien des confédérés. L'industrie suisse se trouve aujourd'hui devant un nouveau et grave problème. Le verre devient de plus en plus rare. C'est pourquoi Bâle, après Zurich, organise la récupération en Europe. On pose les mines dans ces rainures. Une seconde planchette recouvre le tout. Les reportages préfèrent mettre en valeur l'ingénieuse fabrication des crayons de couleur. Mais ce que les Helvètes adorent, ce sont les sujets consacrés au sport. Et en hiver, les pistes et les patinoires sont investies par les sportifs du monde entier. Ce sont les seuls affrontements visibles dans les cinémas suisses pendant le conflit mondial. La réalité des champs de bataille est totalement occultée. La guerre, c'est l'affaire des autres. À Gstaad, les Suisses en villégiature remplacent largement les autres étrangers retenus chez eux par la guerre. Sur les pentes neigeuses, les traîneaux montent des cohortes de skieurs. Pourtant, chaque semaine, l'armée allemande multiplie les combats. En ce mois d'avril 1941, par exemple, le bombardement de Belgrade, qui fait 17 000 morts, scandalise le monde entier. La capitale est rasée en quelques heures. La raison ? Hitler n'a pas supporté que la Yougoslavie refuse de s'aligner sur l'axe. Ce nouveau massacre fera la une de la presse suisse, mais aucune image ne sera diffusée. Car l'événement de la semaine, c'est le match amical de football qui oppose la sélection nationale suisse à l'équipe allemande. La rencontre se déroule dans le stade de Berne, archi-comble. Dans la tribune, le général Guisan est entouré par la délégation allemande conduite par Otto Körher. Et si l'ambassadeur du Reich fait mine d'avoir oublié les Messerschmitt abattus par les Suisses l'année précédente, l'ambiance reste tendue. Mais place au match. La Suisse est favorite. Mais comment tenir tête à une Allemagne qui ouvre le score? Le suspense dure un peu. Mais les Suisses sont trop fiers pour laisser échapper le match et ils égalisent à quelques minutes de la mi-temps. Ils finissent par l'emporter 2-1. Ils n'ont décidément peur de rien. Sur le terrain des finances, ces hommes d'affaires sont encore plus coriaces. En coulisses, on aligne les chiffres et les réunions. Car les Allemands souhaitent augmenter leur ligne de crédit. Les banquiers suisses s'arrangent pour les leur accorder. Les arguments des nazis ont visiblement plus de poids que les menaces de l'Amérique. Mais le 14 juin 1941, la sanction tombe. Le président Roosevelt ordonne le gel de tous les capitaux placés aux USA par l'Allemagne et par tous les États neutres. Pour les Helvètes, c'est une catastrophe. Ils sont, de loin, ceux qui perdent le plus dans l'affaire. Le montant de leurs avoirs aux États-Unis s'élève à 6 milliards de francs suisses, les deux tiers de leur revenu national annuel. Karl Brugmann, l'ambassadeur suisse à Washington, déclare « C'est pire qu'une invasion allemande ». Une semaine plus tard, les Allemands envahissent le territoire de l'Union soviétique. Au grand soulagement des Suisses. Désormais, 80 divisions allemandes combattent à plein temps à 3000 km de Berne. Hitler présente cette offensive comme une grande croisade contre le bolchevisme et appelle tous les Européens à rejoindre ses troupes. Des milliers de volontaires affluent d'Espagne, de Belgique, de France ou du Danemark. Seuls les Suisses ne s'enrôlent pas. Ils sont pourtant viscéralement anticommunistes et n'ont pas même de relations diplomatiques avec Moscou. Mais la loi fédérale est très stricte. Tout citoyen helvète qui s'engage dans une armée étrangère est passible d'une peine de prison de 5 ans. De plus, les confédérés ont mieux à faire que de mourir pour le Führer. En cet été de 1941, ils fêtent en grande pompe le 650e anniversaire de la Confédération. Au Grütlitz, évidemment, dans la montagne qui est si belle. Loin du monde, mais tous ensemble. Ils n'ont que faire du jugement des autres. Ils se suffisent à eux-mêmes. Les Suisses commémorent les guerres du passé, mais refusent de s'engager dans celles du présent. Le 7 décembre 1941, le Japon attaque l'Amérique et détruit sa flotte à Pearl Harbor. Cette fois-ci, les États-Unis entrent vraiment dans la guerre. Pour Roosevelt, il s'agit d'une croisade contre le mal. Désormais soumis au décret de l'oncle Sam, les neutres vont devoir choisir leur camp, celui des démocraties ou celui des dictatures. Trois semaines plus tard, les Suisses montrent qu'ils ont définitivement choisi leur camp. C'est celui de la neutralité. Le 1er janvier 1942, à Berne, les ambassadeurs du monde entier sont invités aux cérémonies de la nouvelle année. Japonais, Américains, Allemands et Britanniques sont attendus au Palais fédéral. Le protocole a pris soin de ne pas les convoquer en même temps. Les alliés d'abord, la délégation britannique en costume d'apparat, précède de peu la délégation américaine qui a revêtu le frac. Et c'est maintenant le camp d'en face qui entre en piste. D'abord les Japonais. Puis les Allemands, conduits par l'inamovible Otto Körer, qui ont l'insigne honneur de clore cette charmante après-midi typiquement suisse. En Russie, au printemps 1942, la Wehrmacht que l'hiver avait figée sur place reprend l'offensive. Elle est plus résolue que jamais à anéantir l'armée rouge. En marge des combats, les nazis foulent aux pieds toutes les lois de la guerre. Ainsi, les soldats russes capturés, quand ils ne sont pas exécutés, sont expédiés en Allemagne pour faire tourner les usines. Privés de droits, mal nourris et surexploités, ces esclaves modernes sont une aubaine pour les industriels. Les entreprises suisses qui possèdent des filiales en Allemagne y recourent sans complexe. C'est le cas de Braun Boveri, connu pour ses machines électriques et ses turbines pour locomotives. Sa succursale de Mannheim emploie 15 000 personnes, dont un tiers sont des prisonniers. Tout comme Nestlé, le géant de l'agroalimentaire, qui utilise de la main-d'œuvre servile pour fabriquer son café instantané. Idem pour son concurrent Maggi, dont les soupes lyophilisées sont également produites en partie par des esclaves. C'est aussi le cas d'Hoffmann La Roche, le géant de l'industrie pharmaceutique, et de près d'un millier d'autres entreprises suisses. Cette main-d'œuvre à bas coût permet de compenser les rigueurs de l'économie de guerre. Les affaires sont les affaires. Le patronat suisse n'en est pas à sa première compromission avec le régime nazi. Pour continuer à prospérer en Allemagne, il s'est soumis sans hésiter aux lois antisémites du travail. Lonza, un très grand de la chimie helvétique, a renvoyé ses cadres juifs dès 1938. 99% des succursales suisses ont suivi son exemple. Swissair, dont les vols sur l'Allemagne étaient suspendus depuis l'entrée en guerre, les reprend en 1941, non sans avoir procédé au licenciement nécessaire. Idem pour AIAG, le géant de l'aluminium. Max Huber, le président de son conseil d'administration, l'assume et le revendique. En 1942, il écrit dans un document interne « Il va de soi qu'une entreprise qui déploie son activité économique dans un pays dont l'État l'accepte et lui accorde la protection de son droit doit être absolument loyale vis-à-vis de lui et s'y insérer sans réticence. » Le même Max Huber préside alors le comité international de la Croix-Rouge. Il est l'une des plus hautes autorités morales du pays. Sous le signe de la Croix-Rouge, une aide impartiale et désintéressée est prêtée à tous et devient par conséquent le point de départ d'une aide universelle à toutes les victimes de la guerre. Double casquette, double discours. En Max Huber se confondent les deux visages de la Suisse, humanitaire et affairiste. Vouloir la paix, certes, mais sans transiger sur les profits. Ironie de l'histoire, Max Huber recevra au nom de la Croix-Rouge le prix Nobel de la paix en 1945. Les éminents membres de l'Académie n'ont visiblement pas examiné son CV. Ils y auraient appris qu'Huber est également le président du conseil d'administration d'Orlikon, le très prospère marchand de canons qui a fait fortune en vendant autant aux alliés qu'aux nazis. La neutralité est un moyen commode de faire de bonnes affaires avec tout le monde. Ainsi, Maggi vend des quantités industrielles de soupe aux soldats allemands sur le front de l'Est. Nestlé, lui, privilégie sa clientèle américaine en composant le petit déjeuner des GIs. Une tasse de café accompagnée d'une tablette de chocolat. Deux produits phares, deux jackpots. Et pour se refaire rapidement une santé, le Feldgrau avale ses capsules de vitamine C signées Hoffmann-Laroche. La guerre peut durer encore longtemps. La Suisse sera toujours présente pour panser les plaies. À l'été 1942, les rafles des Juifs se généralisent partout en Europe, et notamment en France. Menacés de déportation, plusieurs milliers d'entre eux se présentent au poste frontière de la Trouée de Savoie. Or, depuis septembre 1939, la Suisse a fermé ses frontières aux étrangers. Ceux qui parviennent à entrer clandestinement sont pourchassés et expulsés du territoire. Lors de ce même été, les premières rumeurs sur le sort terrible que les nazis réservent aux Juifs parviennent en Suisse. Les églises s'émeuvent et mobilisent l'opinion. Sous la pression, les autorités acceptent d'accueillir 22 000 Juifs. On estime néanmoins que plus de 3 200 autres ont été précipités dans les griffes des Allemands. À l'automne 1942, les troupes alliées débarquent en Afrique du Nord. En réaction, l'armée allemande place ses troupes sur le littoral méditerranéen. La Suisse est maintenant complètement enclavée. La Trouée de Savoie a disparu. Heureusement, la construction du réduit conçu par Guisan s'achève. En cas d'attaque allemande, les Suisses disposent enfin d'un abri où se réfugier. 4 compagnies sont postées aux frontières. Les ponts et tunnels d'accès ont été minés. À la moindre incursion, les Suisses feront tout sauter et attendront patiemment dans leur bunker géant. La prise de l'Afrique du Nord par les Anglo-Américains est suivie par la défaite retentissante des Allemands à Stalingrad. Désormais, la Wehrmacht recule sur tous les fronts. À l'est, le nouvel élan des Soviétiques la repousse inexorablement vers ses positions de départ. Et à l'été 1943, les Alliés débarquent au sud de l'Italie. Là, ils se heurtent à une résistance acharnée et perdent des milliers d'hommes. L'état-major américain fulmine et accuse. Si les Allemands sont aussi tenaces, c'est que la Suisse les soutient. Car Berne a accepté que les trains allemands traversent son territoire en empruntant la ligne du Gotthard qui débouche au nord de l'Italie. Seule condition, interdiction de faire circuler du matériel militaire ou des troupes armées sur le sol suisse. Neutralité oblige. Mais pour les vivres, l'essence, le charbon et la logistique en général, pas de restrictions. Ce transit ingénieux permet aux Allemands de soulager le trafic de leur propre ligne, celle qui passe par le sud de l'Autriche et sur laquelle circulent les armes et les soldats. Les Américains sont furieux. L'affaire du Gotthard ajoute une pièce dans le dossier déjà épais des compromissions suisses. Cordell Hull, le ministre des Affaires étrangères, s'insurge. Les États-Unis ne supportent plus de subir des pertes humaines et des dépenses gigantesques pour le seul profit des hommes d'affaires suisses pleurant misère sur leur stock d'un an de charbon allemand. Berne fait la sourde oreille. Le transit de marchandises allemandes par le Gotthard durera jusqu'à la fin de la guerre. Malgré tous leurs efforts, les Alliés ne parviendront jamais à déloger les Allemands d'Italie. Après leur débarquement en Normandie en juin 1944, les Anglo-Américains filent en direction du Reich. Les bombardiers américains traversent le ciel de la Confédération helvétique avant d'aller déverser des tonnes de bombes sur l'Allemagne. Mais contrairement à 1940, Guisan garde ses aviateurs au chaud et la DCA suisse reste muette pour ne pas alourdir le contentieux avec Washington. Début 1945, l'Allemagne est à terre. Son outil industriel est presque totalement détruit. Les livraisons de charbon vers la Suisse s'arrêtent les avantageuses facilités de crédit accordées à l'Allemagne s'interrompent aussitôt. Sur le milliard généreusement prêté, le Reich n'a remboursé qu'un peu plus de 300 millions. La différence de 700 millions correspond au prix que la Suisse a payé pour sa tranquillité. Mais les Helvètes peuvent encore se nourrir sur la bête. Depuis le début des hostilités, beaucoup d'avoirs allemands ont été discrètement placés sur des comptes numérotés. Seuls les banquiers connaissent l'identité de leurs détenteurs. Il y en a pour une fortune. Et les Américains, bien informés, comptent mettre la main sur le pactole. La mission est confiée au sénateur Loving Curry, un homme de confiance du président Roosevelt. Le 8 février 1945, il arrive à Berne et déclare d'emblée « Nos ennemis ont choisi la Suisse pour mener leurs opérations financières, non seulement à cause de sa position géographique, mais aussi de certaines lois et pratiques bancaires qui leur permettent de masquer leur identité et d'opérer en secret. » Trois semaines durant, Curry rencontre banquiers et hommes d'affaires, les responsables directs de l'intense et fructueux trafic bancaire avec l'Allemagne hitlérienne. Il leur répète que l'argent des Allemands doit servir à la reconstruction. La veille de son retour à Washington, il livre ses conclusions à la presse. It has enabled us to learn more about your country and has afforded us an opportunity to appreciate better your problems and to understand more clearly your attitudes. We will always remember with the keenest pleasure our visit to Switzerland. En clair, Curry s'en retourne bredouille. Il n'a strictement rien obtenu. Pas la moindre information sur les titulaires et les montants des comptes. Le secret bancaire reste bien préservé. Pire, durant son séjour à Berne, les relations entre la Confédération et le Reich ont continué. Les transactions sur l'or vont d'ailleurs se poursuivre jusqu'au dernier râle du régime nazi. Et quand, fin février 1945, Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, offre une dernière réception, Hans Frölicher, l'ambassadeur suisse, répond présent. Il sabre le champagne, tandis qu'au dehors, les bombes s'abattent sur Berlin, en ruine. Le 8 mai 1945, la guerre prend fin. Pour l'occasion, les Suisses s'autorisent à sortir des obligations de leur neutralité en affichant leurs préférences. Ils tiennent à montrer au monde qu'ils ont toujours soutenu le camp des vainqueurs. Mais les États-Unis n'ont pas la mémoire courte. Très vite, ils accablent la Suisse pour avoir entretenu d'étroites relations avec le Reich hitlérien jusqu'au bout. Washington la met au banc des nations et refuse qu'elle entre à l'ONU. Le 20 août 1945, le général Henri Guisan remet son commandement, mission accomplie. Pour ses concitoyens, l'homme qui se retire est un héros, le sauveur qui a empêché les Allemands d'envahir le pays. Après-guerre, au cœur d'une Europe dévastée, la Suisse est intacte. Seule sa réputation a souffert. Pourtant, au fil des ans, elle renoue avec son prestige d'antan et récupère son auréole de vertueuse nation neutre. Les compromissions financières avec le Troisième Reich sont oubliées. Il est plus glorieux de se souvenir d'une armée d'Helvètes héroïques commandée par un général intrépide. Mais 50 ans plus tard, le rideau se déchire. Sous la pression américaine, Berne mandate une commission d'historiens qui accède enfin aux archives, hautement confidentielles, des banques et des grandes entreprises. Après 5 ans d'enquête, leur verdict est sans appel. La Suisse a, intentionnellement ou non, favorisé l'effort de guerre nazi en acceptant de lui acheter les 3/4 de son or. Les Suisses débattent, s'excusent et dédommagent, puis referment leurs archives définitivement. La Suisse avait, pendant la guerre, oublié la vertu. Elle célèbre aujourd'hui les vertus de l'oubli. Archives des firmes privées, des établissements bancaires, ce qui est capital en Suisse, parce que c'est là que se trouvent les secrets. L'État suisse est très transparent par rapport au nôtre. C'est vraiment au sein des groupes privés que le fameux secret suisse peut se donner libre cours. Donc la commission Bergier a fait un travail qui est quand même un travail colossal, et elle a donné des dates à des choses qui étaient des rumeurs qui étaient fondées, hein. Mais donc ce travail, moi je pense que les Suisses ont à se louer de ce travail. Après, il y a ce qu'ils en font, leur propre rapport à l'histoire, mais en tout cas ce travail-là a existé, et c'est pour moi fondamental. Alors il est dit que c'est sous la pression des États-Unis notamment que la Suisse a accepté l'idée, hein, de travailler sur ce qu'avait été cette période. C'est la vérité. Quelles pressions américaines ont été exercées sur la Suisse pour qu'on ouvre ces fameux rapports et qu'on fasse un travail de mémoire sur cette période en Suisse? Là, il y avait eu déjà des pressions américaines depuis un certain temps, mais elles se sont évidemment accentuées à partir de la chute du mur de Berlin et le fait que la Suisse ne servait plus de lieu de réunion ou de grand. Enfin, il n'y avait plus besoin de cet espace neutre. Et là, les pressions ont pu s'accentuer. L'ouverture des archives a encore mis une pression supplémentaire. Mais à ma connaissance, les premières pressions véritables se sont fait jour dans la presse israélienne qui demandait ou redemandait à ce que l'on sache ce qu'il était advenu des comptes en déshérence. Donc ces comptes qui avaient été ouverts par des juifs qui ensuite sont morts en déportation. Et cette revendication a été reprise par des milieux américains, cette fois c'est vrai, et ont donné jour à la création d'une commission, une première commission qui vise véritablement à retrouver les propriétaires de ces comptes et qu'on appelle commission Volcker. Et c'est à la fin de l'année 1996, vous l'avez rappelé, que la Suisse elle-même, cette fois le Conseil fédéral, va prendre l'initiative de constituer une commission qu'on va appeler commission Bergier du nom de la personne qui dirigeait cette commission. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et vous l'avez répété aussi, le rapport va être accablant, mais à la base, la commission a été créée, j'en ai eu la confirmation par un ancien membre du Conseil fédéral. Cette commission a été créée non pas pour accabler la Suisse, mais au contraire pour prouver qu'elle était blanche comme neige. en gros pour se défendre des attaques américaines qui s'étaient accentuées depuis le début de l'année. Alors dans le rapport final de cette commission, on a notamment cette phrase, hein, « La politique excessivement restrictive de Berne à l'égard des réfugiés fuyant le régime hitlérien a contribué à la réalisation d'un objectif nazi le plus atroce, l'Holocauste. » C'est une des conclusions que j'ai tirées, il y en a beaucoup d'autres, on va y revenir, il y a la question de l'or nazi, on va en reparler. Ça a été catharsique, les travaux de cette commission Bergier, les travaux des commissions qui ont été mises en place et évoquées à l'instant par Ariane Berman. Alors moi je m'en souviens comme jeune journaliste, et effectivement c'était un choc. C'était un double choc. Le premier, c'est qu'il y avait accès à ces archives. Alors notons au passage, et ça a été pour nous une surprise, les journalistes, que les archives n'avaient pas été détruites. On aurait pu penser que ces entreprises, ces banques, auraient détruit leurs archives au fil des années, puisqu'on est quand même, en gros, 50 ans après la libération, après 1945. Les archives n'ont pas été détruites. Donc déjà, découvrir l'ampleur de ces archives. Nous, par exemple, autant un de nos journalistes a fait toute une série d'enquêtes sur les archives de Nestlé et sur l'arianisation, le processus d'arianisation d'une firme comme Nestlé pendant la guerre, on était nous-mêmes surpris de ce qu'on trouvait. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, n'oublions pas non plus que la Suisse a des raisons, le gouvernement a des raisons à cette époque de vouloir, à travers la commission Berger, réhabiliter en quelque sorte son histoire. C'est parce que pendant la guerre, la Suisse a joué plusieurs rôles. Il y a eu l'or des nazis, mais il y a eu aussi une espèce de citadelle d'espionnage généralisé anglo-saxon basée à Berne. Ne l'oublions pas, Alain Dulles, le fondateur de la CIA, pendant la guerre, il est à Berne. N'oublions pas tous les réseaux de prisonniers de guerre. Et c'est une des raisons pour laquelle François Mitterrand est resté toujours très proche de la Suisse. C'est que les réseaux de prisonniers de guerre français souvent trouver asile en Suisse. La frontière, elle était hermétique, malheureusement, pour la très grande majorité des réfugiés civils, j'allais dire ordinaires, mais elle n'était pas si hermétique que ça pour des réseaux bien constitués qui sont arrivés pendant la guerre à utiliser la Suisse. Moi, je me souviens, par exemple, un jour d'avoir discuté du rapport Berger avec un ambassadeur de Suisse qui m'a mis sur la table un très beau livre que vous connaissez sans doute, madame. C'est un livre qui a été fait sur les équipages d'avions alliés qui s'étaient écrasés en Suisse parce que les avions alliés, les équipages, avaient pour consigne, si leur avion était touché, d'essayer de se déporter pour aller atterrir en Suisse afin d'y trouver refuge. Donc voilà ce que la Confédération voulait aussi, à travers la Commission Berger, mettre en lumière, c'est-à-dire l'autre facette de la neutralité suisse. Bien évidemment, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre les deux sur le même plan. C'est ça la question au final, Philippe Sala. Est-ce qu'on peut mettre les deux sur le même plan? À quel prix, cette neutralité? Et c'est là qu'on touche le fond du problème avec les conclusions de cette fameuse Commission Berger. Concernant les réfugiés juifs, par exemple, il y a eu 30 000 personnes, hein, pardon, qui ont été refoulées à la frontière, notamment après 42, hein, frontière suisse. Oui. Voilà. En même temps, moi, je sais qu'en travaillant, parce que c'est quand même une question, Dieu sait que c'est une question douloureuse. Je sais qu'en travaillant sur cette question, je me suis rendu compte que la Suisse c'est aussi un pays fédéral, et donc il y avait des politiques dans les cantons, la politique vis-à-vis des réfugiés qui arrivaient à la frontière divergeait aussi parfois selon les cantons. Je ne suis pas arrivé à savoir si c'était une politique délibérée. Certes, il y a eu, vous dites, 38 juifs qui ont été refoulés. Dans quelles conditions ça s'est passé? C'est très très difficile, c'est un sujet. C'est aussi un sujet, par exemple, de la même manière que sur les banques et les entreprises privées, j'ai pas d'image, moi. J'ai cherché désespérément partout des images de réfugiés juifs à la frontière, partant ou refoulés, et je n'en ai pas trouvé. Et pourtant, c'est une réalité, ça a eu lieu. Oui, c'est effectivement quelque chose de très douloureux. Je pense que pour les Suisses, pour les Suisses d'aujourd'hui, compte tenu de... Voilà, oui, c'est sûr que c'est pas évident à vivre.